bar des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée. Les océans sous l'œil des satellites, ce sera le sujet de ce soir. Alors, quand j'ai préparé ce débat, je me suis rappelé de quelque chose qui s'est produit il y a 2 mois. Il y a 2 mois, c'était au large de l'Australie, on a retrouvé une épave qu'on cherchait depuis 60 ans. C'était une épave qui avait été, enfin un bateau, un navire hôpital, qui avait été coulé il y a 60 ans et on ne l'avait pas trouvé depuis cette date. Et on l'a enfin trouvé. Et vous savez comment et pourquoi ? Ben grâce aux satellites Jason et Jason 2, qui sont des satellites d'altimétrie dont on va parler hein, largement avec M. Kozak et M. Escudier dans quelques instants. Et oui, c'est eux qui ont permis de retrouver cette épave. Alors, de quelle manière ? Je vous y raconte un petit peu. Il y a 60 ans, quand le bateau a coulé, c'était un navire hôpital qui s'appelait le Centaure. Eh bien, les survivants ont été repêchés à un certain endroit. Mais on ne savait pas où l'épave avait coulé. Et à cet endroit, les courants ils vont du nord au sud. Et donc, l'épave, on l'a cherchée au nord de l'endroit où on a retrouvé les survivants. Eh bien, c'est grâce au système Jason qu'on s'est aperçu qu'au large de Brisbane, de façon extrêmement temporaire et exceptionnelle, il pouvait se produire des sortes de tourbillons. Et à cet endroit-là, au lieu que les courants aillent du nord au sud, ils allaient de temps en temps du sud au nord. Et donc, on a ainsi pu retrouver l'épave, parce qu'effectivement, les survivants avaient dérivé vers le nord au lieu de dériver vers le sud. Alors ça, c'est une petite histoire, c'est une anecdote, c'est un peu un rien du tout. Mais n'empêche que ça montre quand même à quel point, effectivement, aujourd'hui, les satellites, ils apportent énormément. Et ils apportent dans le domaine des courants, de la salinité, du climat, quand il s'agit de pêche, de plateformes pétrolières, de transports marins, les satellites sont là, de migration des mammifères marins, des poissons, de sauvetage en mer, de télécommunications. Il y a les satellites, ils sont là, ils ont vraiment apporté une révolution. Alors dans quelques instants, je viendrai vers vous pour vous donner le micro, parce que vous allez pouvoir interagir, discuter directement avec nos deux intervenants de ce soir. Nos intervenants qui sont Philippe Escudier et Jean-Pierre Kozak. Est-ce que vous voulez bien les applaudir pour les remercier, les accueillir, les remercier de leur présence. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'être là. Philippe Escudier et Jean-Pierre Kozak, vous avez un micro chacun. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, par exemple, Monsieur Escudier ? Donc aujourd'hui, je travaille au Centre national d'études spatiales et mon rôle est de coordonner les actions que l'on mène pour que l'usage du satellite se répande de plus en plus dans la société. Donc coordonner les actions du CNES pour développer les usages du spatial au-delà du monde traditionnel finalement. Et vous avez été aussi chef de projet quand même sur Topex, Poséidon et Jason. Ça, on peut le dire. Bon, OK. Et puis, vous avez aussi travaillé à CLS pendant 7 ans. Où travaille Jean-Pierre Kozak? Jean-Pierre Kozak, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonsoir. Merci de nous donner l'occasion de ce petit rendez-vous. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Kozak. Je suis coordinateur commercial à CLS. CLS, ça veut dire collecte, localisation, satellite. Donc, on collecte de la donnée de l'environnement. On localise des bateaux, des mobiles, des animaux, des bouées, etc. Et tout ça au moyen de satellites. Et en fait, on a une filiale du CNES qui a été créée en 1986 et qui fait, on va dire, la promotion, la commercialisation dans le monde entier de services spatiaux. Des services qui parfois ont été inventés et développés par le CNES et qui parfois viennent du monde, on va dire, du monde extérieur, concurrentiel, compétitif, etc. etc. Donc on pourra, je pense, répartir un peu le temps de parole si Philippe m'en laisse quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un ici pour régler le temps de parole, c'est moi. Donc ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Donc CLS, on a bien compris que c'est du développement et puis de la commercialisation de services. Absolument. Alors on va commencer, avec Philippe Escudier, si vous voulez bien. Je parlais un peu de cette... je crois que j'ai utilisé le mot de révolution, mais effectivement, dans les décennies passées, le satellite, il a apporté des choses nouvelles, des services révolutionnaires dans le domaine des océans, non ? Oui. L'océan, c'est un domaine quand même difficile d'accès. C'est un quasi-désert. Donc, il y a très peu d'infrastructures dans l'océan. ce qui fait que le satellite, c'est vraiment son domaine privilégié, et le satellite a complètement transformé la façon dont les gens travaillent sur ou avec l'océan, que ce soit les gens qui sont en mer sur leur bateau ou les gens dans leur laboratoire qui essaient d'étudier l'océan. C'est un outil unique, hein, que l'on se mette des années avant. Quand il fallait se localiser aux étoiles pour savoir où on était, aucun moyen de communication ou des liaisons HF qui marchaient une fois de temps en temps, et puis pas d'autres informations sur ce qui se passait autour de soi dans l'océan que ce que l'on pouvait avoir en mettant un thermomètre dans l'eau à côté du bateau. Donc aujourd'hui, les satellites permettent de savoir où on est, de communiquer avec la Terre, Donc ça, c'est la situation jusqu'à quand alors ? Il y a 30 ans encore ? Oui. Voilà, oui. C'est ça. Oui. Okay. La chronologie, je ne sais pas si je saurais la refaire exactement sur l'ordre d'apparition des technos. Là, Jean-Pierre, peut-être que toi tu l'as vu plus vite, mais je pense que les télécoms sont arrivés très très vite. Les technos GPS, c'est arrivé il y a une vingtaine d'années, ça s'est bien répandu. Et puis tout ce qui est connaissance de l'océan, c'est un peu plus récent, mais on peut dire que depuis une dizaine d'années, on est capable de fournir des informations pertinentes sur qu'est-ce qui se passe dans l'océan, aussi bien d'un point de vue physique que biologique. Ok, donc révolution, pourquoi ? Parce que finalement, le satellite, il est au-dessus des océans, il a, depuis ce promontoire, il voit tout ce qui se passe, et puis on a développé toute une batterie d'instruments scientifiques, techniques, qui sont capables d'aller sonder finalement ces océans et d'en savoir plus. Donc il y a à la fois tout ce qui est sondé dans l'océan et sans savoir plus, et puis il y a aussi tout ce qui est relais de télécommunications et diffusion d'informations, donc dans les deux sens, qui change les choses, puisqu'on peut difficilement imaginer avoir un réseau de téléphone mobile sur tous les océans. Oui. Évidemment, pas de réseau cellulaire, on peut pas installer des antennes réseau comme ça dans l'océan, évidemment. Donc on a effectivement besoin de. Alors c'est quoi par exemple le téléphone dans l'océan? C'est des choses comme Inmarsat. Il y a des services Inmarsat, Iridium. Ouais. Mais là, je pense que Jean-Pierre connaît. Alors Jean-Pierre, Inmarsat. Oui, donc sans trop citer, s'arrêter sur des types, des équipements, mais. C'est vrai qu'on téléphone depuis un navire en haute mer vers la Terre et vers son patron ou vers sa famille depuis les années 70. Alors évidemment, dans les années 70, ça coûtait un bras. Et aujourd'hui, ça coûte quelques centimes. Et sur n'importe quel navire de commerce, il y a des systèmes de cartes prépayées qui font que n'importe quel membre d'équipage, il va avoir l'impression d'utiliser son téléphone GSM pour finalement joindre des gens qui sont à 1000 ou à 10 000 km de chez lui. Donc les télécoms, effectivement, ça a été sans doute la première application commerciale et d'une part développée et d'autre part qui a atteint sa viabilité commerciale dans les années 70. Ça, après, on a eu les applications de positionnement. Hein, donc typiquement, dans le monde du satellite, on va distinguer les télécoms, ce qui est le positionnement et puis ce qui est l'observation de la Terre. L'observation de la Terre au sens large, c'est-à-dire... le domaine maritime tout autant que le domaine au pied sec, et avec malheureusement un développement qui s'est fait souvent beaucoup plus en faveur, enfin malheureusement pour nous qui sommes amateurs de la mer, beaucoup plus en faveur de l'observation de la Terre que de l'observation de la surface de la mer. Ah, et vous le regrettez ça ? Je dirais que ça rend service à plein de monde, mais souvent on a le sentiment que l'observation des océans, elle est arrivée tard. Elle est arrivée tard dans la chronologie. Voilà, donc quelques étapes, si on veut raisonner en décennies. Je dirais les années 70, c'est le début des télécoms par satellite. C'est l'apparition en France et dans le monde du système Argos aussi, donc une invention CNES. Les années 80, c'est le développement de ces systèmes sur une base commerciale. Le GPS qui arrive et qui devient petit à petit un outil portable, donc ça c'est du positionnement. En parallèle, les apparitions de satellites d'observation de la Terre. Enfin, on connaît tous les satellites qui font de l'imagerie terrestre. Il suffit d'aller sur Google Earth pour regarder d'où viennent les images. Et puis, début des années 90, l'utilisation de systèmes basés sur des altimètres, Philippe va peut-être nous en parler, qui eux sont vraiment dédiés à l'observation des océans, et qui, tout en étant très haut dans le ciel, sont capables de nous dire ce qui se passe au niveau des couches de l'océan, c'est-à-dire les courants couche par couche. Ça, c'est les altimètres. Hein. Les altimètres. Ok. On peut s'arrêter une seconde sur les altimètres, parce que c'est vraiment une excellence. La France est vraiment excellente dans ce domaine-là. Oui, alors pour des raisons historiques qui sont, je ne sais pas si on les développera toutes, mais Philippe Escudier, oui. Oui, donc il y avait un héritage technologique présent en France, hein, qui est essentiellement au niveau scientifique les compétences en géodésie depuis les tout débuts. C'est quoi la géodésie ? Géodésie, c'est l'étude de la forme de la Terre. Alors, peut-être des gens plus spécialistes que moi là-dessus, peut-être Pascal, hein, pour définir la géodésie. Je vais te passer le micro. Non, dites-moi alors, allez-y, Philippe Escudier. Donc, c'est l'étude, en gros, de la forme, mouvement aussi, c'est dans la géodésie, Pascal ? Forme et déformation de la Terre. Hein, donc, vous savez que pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate, puis on s'est aperçu qu'elle était ronde. Après ça, on s'est posé la question de savoir si elle était pas vraiment ronde, si elle était aplatie au pôle ou à l'équateur. Ça, c'était vraiment la Révolution française. Vous savez, cette expédition de Lambre et Méchain, là. Alors, elle l'est, hein. Elle est aplatie au pôle. Elle est aplatie au pôle, mais ça, on l'a su par une expédition qui a été faite au moment de la Révolution française, qui a essayé de mesurer le méridien terrestre et de s'apercevoir qu'à Lille, il était un peu plus petit que ce qu'il était à Barcelone. Donc, maintenant, après ça, on s'est aperçu que c'était aplati au pôle. Et puis depuis, en particulier grâce aux satellites, on s'est aperçu qu'en fait c'est ni rond ni c'est un vrai patatoïde et que patatoïde. Ben je sais pas comment appeler ça autrement. Patatoïde, ouais. On comprend l'image, ouais. Donc voilà, avec des creux et des bosses dans tous les sens. Et ça c'est la signature de ce qui se passe sous la croûte terrestre. Mais les satellites nous renseignent là-dessus. Donc là, la France et le CNES en particulier a été très tôt impliqué dans toutes les missions qui permettaient d'étudier cette forme de la Terre. Et quand on étudie la forme de la Terre, on a déjà une petite idée de ce qui se passe dans l'océan, hein, puisque l'océan, au repos, il est censé suivre la forme de la Terre, on va dire. Et donc, attendez, c'est quoi cette histoire ? L'océan, au repos, est censé suivre la forme de la Terre ? Oui, alors, ça. Oh là là, là, ah, excusez-moi, on fait géoïde, un petit, alors, on se localise géoïde. Une seconde là, sur la... Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle la forme de la Terre ? Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle la forme de la Terre ? Donc, c'est la mais forme... Juste ce point-là, l'océan est censé suivre la forme de la Terre ? C'est-à-dire que l'océan n'est pas... plat, en moyenne, il n'est pas plat, c'est ça ? Alors l'océan n'est pas plat, bon, il est, bon, parce que la Terre n'est pas plate, et après ça, l'océan, à un moment donné, il s'écarte de cette position, on va dire, idéale, qui, s'il ne se passait rien par ailleurs, qui serait juste liée à la gravité terrestre, et il s'en écarte parce qu'il y a des vents qui vont pousser d'un côté, il y a des échauffements à d'autres qui vont le faire monter, Échauffements, parce que les eaux chaudes, évidemment, prennent plus de place que les eaux froides, hein, elles ont un plus grand volume. Alors si on donne quelques chiffres quand même pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc vous savez, si on part d'une Terre ronde, la Terre et l'aplatissement au pôle, c'est une vingtaine de kilomètres. Ah d'accord, c'est tout. Sur 6000, donc diamètre de la Terre, 6400. Okay. L'aplatissement au pôle, c'est une vingtaine de kilomètres. Ensuite, le côté patatoïde dont je parle, c'est-à-dire le fait que c'est pas tout à fait une sphère aplatie, ça, ce sont des variations de niveau qui comptent en centaines de mètres. Ah d'accord, c'est tout petit là, d'accord, ok. Donc on descend à la centaine de mètres, mais c'est quand même pas négligeable. Donc la Terre, quand on dit qu'elle est pas plate, c'est des creux et des bosses de l'ordre de la centaine de mètres. Et puis après ça, si on descend encore plus finement, on trouve les déformations liées des courants. Les courants vont déformer cette forme-là. Le Gulf Stream, c'est une marge d'un mètre à peu près. Donc, une marge d'un mètre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ça augmente à l'endroit du courant ? Voilà, quand il y a un courant à cause des forces de la mécanique, hein, Coriolis en particulier, si vous avez un courant, il y a une déformation de la surface de la Terre, il y a une pente pour stabiliser mécaniquement l'ensemble des forces qui agissent sur les particules d'eau. Donc le Gulf Stream, c'est en fait une pente d'à peu près un mètre entre l'est et l'ouest du courant. Après, alors j'ai compris que la Terre est pas ronde, qu'elle est aplatie, qu'elle est pas plate, ça c'est sûr. Qu'elle n'est pas ronde, elle est aplatie, qu'il y a quand même des déformations, qu'il y a des déformations dans la mer. Et tout ça, finalement, on arrive à le calculer, à le savoir, je suppose qu'on le savait avant, mais on arrive à le calculer beaucoup plus finement grâce à l'altimétrie. C'est quoi alors l'altimétrie exactement ? Donc l'altimétrie, ça consiste à mesurer vraiment cette forme à un instant donné, la position exacte du niveau de la mer. Voilà. À quel moyen ? Avec quel moyen ? Alors on combine depuis un satellite, on a un radar qui mesure la distance entre le satellite et la surface de l'océan. Donc, c'est une onde radar qu'on envoie. Voilà. Et le temps aller-retour nous donne en gros la distance satellite-océan. Okay. Alors jusque-là, on n'a rien appris, on sait juste à quelle altitude vole le satellite. Mais si par ailleurs, on sait très précisément à quelle altitude est le satellite, là, à ce moment-là, le satellite devient une référence à partir de laquelle cette distance va nous donner la hauteur. Donc si on sait où est le satellite par rapport à un référentiel terrestre, à ce moment-là, cette distance satellite-océan va nous fournir très précisément la hauteur de l'océan par rapport à ce référentiel terrestre. Voilà. Donc la technique de l'altimétrie, c'est simplement ça. Savoir très précisément à quelle altitude est le satellite, mesurer la distance satellite-océan et en déduire l'altitude de l'océan. Voilà. L'altimétrie, c'est l'une des marques de fabrique de CLS. Est-ce que je me trompe, Jean-Pierre Cosac? Bon, déjà, vous avez un aperçu de France-Espagne, là. Il y en a 11 qui jouent au ballon et 11 qui regardent. C'est-à-dire? Et le plus dur, ça va être qu'ils ne me reprennent pas pendant que j'explique. Mais vous avez la parole, donc prenez-la, il n'y a aucun problème. Donc, oui, l'altimétrie, alors je parle devant l'expert, hein, l'expert en théorie d'altimétrie. Ah ben, commencez pas à vouloir lui refiler le micro, là. Effectivement, ceux qui ont cherché à la rendre, je dirais, utilisable par, je dirais, le citoyen lambda, aussi bien celui qui est sur Terre que celui qui est sur mer, j'avais que Céleste là, a largement contribué, puisqu'à partir des observations qu'on a fait à partir des altimètres qui permettaient de comprendre l'océan et par effet rebond un peu comprendre ce qui se passait sous les océans, les courants, etc. À Céleste, on s'est chargé d'en faire des services qui sont, je dirais, quasiment disponibles sur un clic sur des sites web. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des équations et d'avoir appris les orbites des satellites. On va sur des sites. C'est vous qui vous les êtes cogné, les équations, en l'occurrence. Voilà. Oui, enfin. Pour donner des solutions clés en main à l'utilisateur final, c'est ça? Il y a beaucoup de monde en cuisine. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, je dirais que pour donner des ordres de grandeur à CLS, il y a un tiers de la société, il y a plus d'une centaine de personnes, je pense, qui aujourd'hui, et depuis 20 ans, hein, depuis les débuts des années 90, travaillent sur le thème dans le domaine souvent de la, entre guillemets, vulgarisation, c'est-à-dire le fait de passer du concept à un produit commercial, enfin disponible pour les utilisateurs de base. Donc, parce qu'il y a un grand gap à combler entre, d'une part, les données brutes que vous allez obtenir avec un satellite, et puis au final, il y a un besoin d'un utilisateur, et voilà, il faut le combler, donc il faut combler ce gap-là. Pour donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on a pu extraire de ce concept d'altimétrie. À partir du moment où on avait une compréhension des courants à grande échelle, à l'échelle de l'océan, et qu'on venait corréler avec des informations de vent, de vagues, etc., on a pu renseigner des navigateurs, par exemple. On a pu renseigner des navigateurs. D'accord, parce que l'altimétrie, c'est ça, c'est quand même une chose extrêmement importante à dire. Évidemment, elle permet de connaître, d'avoir une idée de la surface terrestre, mais elle donne une foule d'autres renseignements. Et ça, ça ne va pas de soi. Donc, ça renseigne sur les courants marins. Oui, enfin, essentiellement. Oui. Comment? Essentiellement, parce oui. qu'après, donc ça, c'est capital, c'est gigantesque. C'est avoir une vision globale des courants marins, c'est quand même une. Et deux exemples concrets. Une formation extrêmement importante. À quoi ça sert concrètement de. Mais là, je repasse le micro bientôt à Philippe. Il nous donnera des exemples concrets sur le climat, la météo, etc., de connaître et de comprendre les courants marins. Moi, je suis plus dans le domaine de ce qui flotte en surface de l'eau, c'est-à-dire mes clients, c'est plus souvent des administrations comme des gardes-côtes ou des gens qui s'occupent de trafic maritime, qui s'occupent de sécurité en mer, qui s'occupent de pollution maritime. Donc, je vois, j'y ai les quelques mètres entre le niveau de la mer et les quelques mètres de la surface, mais les informations qui viennent de l'altimétrie et d'autres services de CLS, par exemple, eh bien, on est capable de les envoyer à travers des systèmes de télécommunication vers les navires pour les aider à faire du routage, c'est-à-dire choisir la route qui ira, par exemple, du Havre jusqu'à la Martinique sans se retrouver avec des courants contraires. Donc, grâce à votre connaissance des courants. Entre autres, oui. Ouais. Les navigateurs, ça en aura peut-être l'occasion d'y revenir. Là, parce que, les navigateurs professionnels, ceux voilà, qui partent pour le Vendée Globe, là, c'est le 10 novembre que le Vendée Globe est lancé. Et il y a d'ailleurs un partenariat avec CLS, ouais, ça, on pourra en reparler. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on pourra en reparler. Même le monde de la pêche, puisqu'il y a certaines espèces de poissons qui sont quand même, dont la présence est conditionnée à la circulation océanique, c'est-à-dire ils vont aller se développer de manière favorable dans des zones où la température est connue assez précisément, où le plancton correspond à une certaine population de plancton, par exemple des remontées d'eau froide du fond de la mer. Donc toutes ces informations, elles peuvent être utilisées sous forme de services, donc disponibles sur des sites internet, à la demande, population par population. Donc, nous, une fois que le concept il est bien validé, bien acquis et maintenu, c'est-à-dire dans le temps, ça c'est très important, il ne faut pas que le service s'arrête au bout de 6 mois parce que le satellite s'est mis sur le dos. Une fois que le concept il est opérationnel, on le décline sous forme de service à la demande, ce que vous avez sur un iPhone quand vous cliquez sur une application, par exemple. Ok, parfait, très bien. Bon, j'ai regardé ma montre, vous êtes à égalité de temps de parole, hein, Jean-Pierre Cosac, pas de problème. Pas de problème. Alors, il y a quand même une chose que vous avez signalée, c'est le mot pêche, et vous avez expliqué que vos systèmes pouvaient aider à trouver le poisson. Et là, je suis certain que chez certains ici, eh bien, on a ressenti comme une espèce d'inquiétude. On sait qu'il y a, qu'on est quand même dans un problème de surpêche actuellement. Et on se demande jusqu'à quel point est-ce que les satellites ne vont pas contribuer à cette surpêche. On y reviendra, hein, parce que c'est vraiment des questions importantes. Est-ce que... Oui, parce que c'est l'inverse. Eh oui, parce que c'est l'inverse, justement. Ah oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Effectivement, le satellite est plutôt au service de la pêche durable. Et on va y revenir. On va y revenir. Peut-être avec vos questions. Si vous en avez, bah c'est le moment. Hein. Voilà, moi je viens jusqu'à vous. Et si vous avez envie de réagir, de poser une question, alors que ce soit de ce côté-ci, hein, je viens à vous et voilà, on discute. Hein. Vous avez Philippe Escudier et Jean-Pierre Cosac qui sont là pour vous. Ou ici. Voilà. Oui, bonsoir. Excusez-moi, moi j'ai une question tout à fait basique, mais comment est-ce qu'on calcule l'altitude d'un satellite si on n'a pas le niveau de la mer, si on n'a pas le niveau de la Terre, si on n'a rien, quoi ? Alors, y a des choses qui sont bien connues, c'est le système GPS. Alors, le système GPS, ça permet de savoir où on est, mais là, on n'est pas les bons niveaux de... Le système GPS tel qu'il est connu dans le grand public ne permet pas de répondre à cette question. Par contre, le système GPS, dans une version un peu améliorée, est une réponse pertinente. Donc en fait, l'utilisation que l'on fait du GPS, ça permet de se positionner au mètre près, à peu près, quelques mètres près. Bon, c'est pas suffisant. J'ai dit que le Gulf Stream, c'est une marge d'un mètre, donc si on avait un mètre de précision, ça marcherait pas. Là, ce qu'on va chercher, c'est des millimètres ou des centimètres. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que simultanément, les mêmes signaux GPS émis par les satellites GPS vont être reçus à bord du satellite par un récepteur, et les mêmes signaux vont être reçus au sol par un réseau international de satellites GPS qui sont à des positions très bien connues sur des sites dont on suit la position depuis très longtemps. Et en fait, ce que l'on va utiliser, c'est l'information de différence entre les signaux reçus par le satellite et les signaux reçus au sol. Et ça va donc, cette différence va nous permettre d'avoir la position relative du satellite par rapport à ce réseau sol. Or, aujourd'hui, ce réseau GPS scientifique qui s'appelle l'IGS, International GPS Service, est un réseau qui comprend je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de stations au sol. Et c'est quelque chose d'international qui est mis en œuvre par des scientifiques qui font de la géodésie. Donc ça, c'est un exemple de technique. Une autre technique qu'on utilise... Juste un mot, il s'agit d'utiliser quand même le signal GPS, voilà, mais de façon améliorée grâce à des stations au sol, donc on connaît très bien la position. Pour compenser toutes les erreurs du système GPS que l'on utilise dans un téléphone. Après ça, il y a la clé en fait du succès de la mission Topex, ça a été un système... Alors Topex, il faut rappeler ce que c'est quand même. Donc Topex Poseidon, qui est la première mise en œuvre vraiment en vraie grandeur de ces missions d'altimétrie. Il y avait des missions précurseurs avant faites par nos collègues américains. Donc c'est Poseidon, un satellite d'altimétrie, hein, d'altimétrie qui a été fait par le CNES, voilà, et par les États-Unis. Voilà, qui est une coopération entre la France et les États-Unis. Lancé en 92 et qui a été le premier essai de vraiment faire quelque chose qui a les performances qui permettent vraiment de faire l'océanographie telle qu'on l'a évoqué. Et donc là, pour ça, une contribution majeure de la France, ça a été de mettre en œuvre un système qui s'appelle DORIS. DORIS, D-O-R-I-S, comme le prénom. Voilà, voilà. Et qui donc, DORIS, donc c'est un lien avec la mythologie, DORIS, c'était les 50 filles de je ne sais plus qui, enfin voilà, et là, c'était 50 balises mises autour du terre. Donc là, le principe, c'est, on a un certain nombre d'équipements, donc c'était une cinquantaine au départ, je crois qu'aujourd'hui, il y en a plus de 60, donc des équipements qui sont partout autour de la Terre, dont on connaît la position, ils sont attachés à la croûte terrestre, et ces équipements émettent un signal qui est reçu à bord du satellite par un récepteur, et là aussi la mesure, donc là c'est la technique de mesure Doppler, donc le décalage Doppler donne la vitesse entre le satellite... Alors on va dire ça lentement, on va répéter la même chose, mais lentement. Donc Doppler. Oui, alors le décalage Doppler, donc vous avez tous fait l'expérience du train qui passe, et la fréquence à laquelle vous entendez le bruit du frein, donc la hauteur du son varie au fur et à mesure que le train arrive, parce qu'en fait... Le bruit du train qui est toujours à peu près à la même fréquence, quand vous arrivez, alors je sais plus, donc je vais faire une erreur de signe, je sais plus s'il est plus grave au début ou plus aigu au début. Il est plus aigu au début et il devient plus grave après. Est-ce que je peux le faire? Je peux le faire parce que je fais très bien le train qui arrive. Donc vous arrivez. Hein, voilà. Effet Doppler en son. Voilà l'effet Doppler. Voilà. Donc cette information-là, qui est le décalage de fréquence lié à la vitesse de l'objet qui émet, que ce soit un son ou une onde électromagnétique, le principe est le même. Donc ça, on peut l'utiliser pour donc positionner précisément. Donc ce système avait été conçu pour ce besoin-là spécifiquement, et c'est lui qui a vraiment permis de faire le saut qui sur Topex a permis d'atteindre la précision que l'on cherche à avoir. Et puis on. Attends, la précision, c'est quoi alors? Donc là, alors là, on a progressé dans le temps. Aujourd'hui, avec Jason, aujourd'hui on est de l'ordre du centimètre sur la calcul de la hauteur du satellite. Et comme on voulait, comme c'était un point extrêmement critique, hein, votre question est très pertinente. On sait à un centimètre près quelle est la position et l'altitude du satellite. Okay. Et pour être sûr, on avait vraiment voulu bien garantir notre coup parce que c'était une clé du réussite de la mission. On a aussi utilisé des techniques de mesure laser. Donc vous avez au sol des stations qui sont capables d'envoyer un rayon laser qui vient se réfléchir sur le satellite. On met un réflecteur à bord du satellite et le temps de trajet aller-retour du rayon laser permet d'avoir très précisément la distance entre le satellite et le sol. Ça, donc, je trouve que la solution 3 est la plus simple à expliquer. Personnellement. Par contre, à mettre en œuvre, c'est pas la plus simple puisque une station laser est un équipement assez sophistiqué, un laser qui est capable de tirer sur un satellite. Donc ça, on n'est pas capable d'en déployer les 50 ou 60 qui auraient permis. Donc en fait, on a quelques stations laser ultra précises qui nous permettent de vérifier essentiellement, c'est pour de la vérification et du recalage des étalonnages de la technique. Mais vous voyez que. Et on les utilise toujours, ces systèmes laser, y compris sur Jason, etc. De Topex jusqu'à Jason, on continue de combiner, en fait, les trois types de mesures pour être sûr qu'on n'a pas de biais ou d'erreurs systématiques, parce que dans l'histoire, on a constaté que chacune de ces techniques avait ses erreurs systématiques. Hein, le GPS très précis, mais à un moment donné, tout dérapait vers le nord. Là, il y avait un problème de système de référence. Il a fallu deux autres techniques pour recaler le truc. Il y a eu d'autres soucis technologiques sur les autres techniques. Donc voilà, sur le laser, il y avait, par exemple, pour vous donner un exemple, il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'humain. Il y a le fait qu'une station laser, ce n'est pas automatique, il faut des hommes pour les opérer. Et bien, c'est un réseau qui est essentiellement scientifique. Pendant la période de Noël, il n'y avait pas beaucoup d'observations, en particulier la nuit de Noël. Donc, ça faisait des moments où l'orbite n'était pas très bonne. Ah, l'orbite n'était pas bonne, d'accord. Ok, bon. Voilà, donc c'est en combinant toutes ces informations. Alors, peut-être aussi un point important, c'est que, pour répondre à votre question, c'est qu'on n'a pas la position du satellite de façon instantanée par une mesure comme on l'a dans un récepteur GPS. En fait, pour arriver à ce niveau de précision, il faut filtrer les erreurs de mesure. Ça veut dire qu'on combine les mesures avec un modèle a priori de la trajectoire. Donc on va modéliser très précisément toutes les forces qui agissent sur le satellite. Et c'est en combinant les informations de mesure avec la modélisation de la trajectoire que l'on va retrouver la trajectoire du satellite. Bon, on parle d'altimétrie, hein, on va rester encore une seconde là-dessus. La raison pour laquelle Jason se trouve à 1300 mètres, pardon, c'est ça ? Kilomètres. 1300 kilomètres, bien sûr. 1300 kilomètres d'altitude, c'est relativement haut. Hein, les satellites d'observation sont beaucoup plus bas. Et j'ai cru comprendre que c'était justement pour échapper à un certain nombre de perturbations. Par exemple, il y a à 1300 km d'altitude, il n'y a pas d'atmosphère, de reliquats d'atmosphère qui viendraient perturber, freiner un peu le satellite, ce genre de choses. Oui, c'est l'altitude est liée à la question qu'a posée monsieur, c'est-à-dire que si on est même encore les satellites classiques d'observation de la Terre, ils sont vers 800 km d'altitude. À cette altitude-là, il y a encore un frottement, il y a encore un peu d'atmosphère résiduelle, il y a un frottement. Un satellite comme Spot, il tombe d'à peu près 1 mètre par jour. Un mètre par jour, oui, c'est beaucoup. Oui, donc c'est pas négligeable. Donc or comme nous on cherchait des centimètres. Il faut qu'on soit capable donc de prévoir l'effet du frottement à quelque chose d'une précision qui est commensurable à ça. Donc on s'est mis à 1300 km où le frottement est moins de 10 fois plus faible, de façon à maîtriser cet effet et être sûr qu'il ne vienne pas nous ajouter des erreurs intempestives. Ok. D'autres interrogations peut-être ? Yves Sacquin, de Barre des Sciences Paris. Oui, j'ai pitié de ces pauvres poissons. En temps réel, ça correspond à quoi les observations par rapport pour le client qui est sur son bateau, il a des observations qui datent de combien d'heures ou de minutes ou de secondes quand il demande des informations sur les niveaux des choses. Alors, ce qu'il faut voir dans ce domaine-là, comme en beaucoup de domaines quand on utilise le spatial, c'est que comme l'a évoqué Jean-Pierre, l'information qui est envoyée sur le bateau, c'est pas directement la mesure radar, parce que le capitaine du bateau serait assez embêté pour interpréter cette information. D'abord, elle est complexe, et ensuite, comme on l'a évoqué, l'altimétrie c'est extrêmement riche, parce que dès qu'il se passe quelque chose dans l'océan, ça se traduit par soit une pente, soit une bosse. Vous chauffez un peu l'eau, même en profondeur, ça vous fait une bosse. Vous avez un courant, ça vous fait une pente. Mais donc l'interprétation directe est assez complexe. Donc de toute façon, là aussi, j'ai parlé de la mécanique du lien avec un modèle pour le calcul d'orbite, mais en fait, en termes d'utilisation océanographique, la technique est la même. C'est-à-dire qu'on a une technique qui est analogue à celle de la météo, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'observations qui sont faites de hauteur d'eau et d'autres paramètres, des mesures in situ aussi. Et tout ça, c'est combiné avec une modélisation a priori des équations de l'océan, hein, des équations qui Navier-Stokes, etc. Et donc, ça a une double vertu. Ça permet d'avoir une analyse globale de l'océan. Au lieu d'avoir le satellite, il n'est pas partout tout le temps. Donc, au lieu d'avoir des informations qui sont épisodiques, une fois tous les 10 jours, parce que le satellite passe une fois tous les 10 jours, grâce à ce processus d'assimilation dans le modèle, vous avez une vision quasi permanente de, ou une restitution quasi permanente de ce qu'est l'océan en termes de température, de courant ou de salinité. Et puis l'autre qualité, comme en météo, c'est qu'une fois que vous avez ça et comme vous avez un modèle qui est bien réglé, vous êtes capable de projeter à l'avance et de faire des prévisions. Donc aujourd'hui, les produits utilisés, pour l'essentiel, sont les informations satellites digérées dans des modèles qui nous donnent une vision globale de l'océan. Et donc, si vous avez, donc en France, il y a une initiative qui a été menée en parallèle des satellites, c'est Mercator. Donc c'est Mercator. Mercator, donc on pourra y revenir, qui est extrêmement importante. Il y a toujours eu en France, on parlait toujours de Jason Mercator Coriolis, hein, donc Jason c'est le satellite. Mercator c'est l'équivalent du centre météo qui est donc qui est capable d'analyser à partir de toutes les observations la situation de l'océan et de faire la projection sur les 15 jours ou 3 semaines qui suivent. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site de Mercator, vous avez cette projection 15 jours à l'avance. Donc du coup, la question de l'âge des observations, ça peut être 10 jours, hein. Le satellite Jason, il a un cycle de répétitivité de 10 jours. C'est-à-dire que, à un endroit donné, vous pouvez avoir des informations qui datent de 10 jours. Mais à travers le lien dans le modèle vous donne la situation du jour, parce qu'il est capable d'extrapoler. Ok. Jean-Pierre. Vas-y, Jean-Pierre Cosac. Oui, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait pitié des pauvres poissons, donc je veux quand même le rassurer. Je dirais les satellites, ils servent pas. Si on résumait la soirée à dire, les satellites permettent à un pêcheur d'aller directement à la vue du poisson, et comme ça, il empêche beaucoup plus à la fin de la semaine. Je pense qu'on aurait fait un sacré raccourci. Jean-Pierre Cosac. Et à louper. Donc même en 140 caractères, je voudrais pas que ce soit ce qui soit retenu de la soirée. Alors ça, c'est une adresse à nos amis Twitter, hein, qui sont là et qui laissent des messages à cette table pour raconter un petit peu ce qui se passe ce soir. Jean-Pierre Cosac, je sens que vous êtes en train d'ouvrir le chapitre de la pêche qui est absolument passionnant, mais je voudrais qu'on y reste un petit peu de temps sur ce chapitre de la pêche. Et à Michel Lascaux, est-ce que tout ce qu'on a dit t'a inspiré un petit peu ? Océan, maintenant, je peux te voir du haut du ciel. On reviendra plus souvent te voir, Michel. Alors, Jean-Pierre Cosac, on ouvre le chapitre pêche. Il est beau, hein. Il est vraiment intéressant, ce chapitre. Jean-Pierre Cosac, on vous écoute, là, sur le chapitre pêche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et effectivement, on va vers la pêche durable, hein, grâce aux satellites, et non pas vers une aide à la surpêche. Ben, on espère, en tout cas. Hein. Donc, je voulais rassurer le monsieur qui est dans la salle, là, et puis... qui n'est pas le seul. Est-ce qu'on va vers une pêche durable ? On aimerait tous en être convaincus. Hein, malheureusement, ça ne dépend pas que des satellites. En tout cas, les satellites, ils ont aidé depuis une vingtaine d'années à mettre en place des systèmes de régulation. Donc le minimum, quand on voit qu'on est dans une situation qui peut devenir très critique, c'est de commencer par la mesurer. La mesure, encore une fois, je dirais avec patience, c'est-à-dire année après année, d'en tirer des tendances et ensuite d'en faire des réglementations pour que les pêcheurs ils aient le droit d'aller pêcher au bon moment pendant une certaine durée avec les outils adaptés et aux bons endroits. Donc la régulation de la pêche, ça veut dire savoir ce que font les bateaux de pêche, en gros. Savoir ce que font les bateaux de pêche, ça voilà. C'est important. Et il y a deux façons de savoir. Donc soit vous demandez au patron pêcheur... De signaler sa présence, de dire où il est. Voilà, okay. Ou vous envoyez un petit message, un petit tweet. Soit vous demandez à une balise satellitaire installé à demeure sur le navire, de transmettre à intervalles réguliers la position, le cap et la vitesse. Et éventuellement même des rapports, c'est-à-dire de l'activité qui correspondra à l'activité à bord du... Qu'est-ce que ça veut dire l'activité ? Ben, typiquement, les prises de la journée, par exemple. Donc, attendez, votre balise, elle est capable de déterminer quelles sont, non seulement de dire où est le bateau, mais aussi de déterminer quelles sont les prises de la journée. Elle est très intelligente, mais cette version-là, elle le fera dans quelques années. D'accord, ben on va en parler après. Mais aujourd'hui, ce qu'elle dit déjà depuis une vingtaine d'années, c'est à quelques dizaines de mètres près où se trouve le navire, où se trouve le bateau de pêche à l'échelle du globe, par exemple, toutes les heures ou toutes les demi-heures. Et quelle est sa vitesse et quel est son cap. Et quand vous êtes un petit peu spécialiste du domaine, à Lyot, on va dire, vous êtes capable d'en déduire une activité du navire. Vous savez s'il est en train de déployer son filet, s'il est en train de le remonter. Vous savez même, en fonction de la durée de l'opération, si le filet il a été particulièrement bien rempli ou pas. Ah bon, c'est pas vrai. Et vous ramenez tout ça sous forme de statistiques. Donc, gain... Simplement, avec une information de positionnement, je suis capable, moi, CLS, de dire ce qu'est en train de faire le bateau et même d'évaluer la quantité de poissons pêchés. Alors, je vais faire mon modeste. Certainement pas nous à CLS, bien entendu. Ah, bah, c'était là. Nous, on récupère les positions et les caps, les vitesses, et on les envoie vers des services qui sont spécialisés dans là-dedans. D'accord. Mais c'est possible, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est possible, okay. et c'est fait. J'ai à l'échelle du globe maintenant. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a une industrie de la pêche ou qui a une façade maritime qu'il cherche à protéger, donc une zone, ce qu'on appelle la ZEE, la zone exclusive, la zone économique exclusive. Il cherche à protéger de la pêche des de la autres surpêche, pays. Ou la pêche des pêcheurs pirates. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas arrivé à converger sur ce type de technique. C'est-à-dire qu'on a équipé dans les années 90 les plus gros pays pêcheurs. Les premiers pays. Les plus gros, c'était les premiers qui ont commencé. C'était les premiers pays. C'était le début des années 90. Hein, début des années 90, c'était à l'époque, on appelait ça les filets maillants. Les filets maillants, je me souviens de cette expression. Ouais. La pêche japonaise, coréenne, taïwanaise, qui allait dans le Pacifique, qui mettait des véritables rideaux de dizaines ou centaines de kilomètres de long et qui ramassait beaucoup de poissons et également des tortues, des dauphins, etc. etc. Et donc, un peu l'hécatombe, là. C'était l'hécatombe. Et il y a eu des réglementations, des accords internationaux qui ont commencé à prendre conscience qu'il fallait surveiller tout ça et petit à petit leur demander de reconvertir leur technique. La capacité de pêche, sans doute dans les mers qui sont exploitées commercialement, c'est-à-dire pour nous Français, c'est l'Atlantique, c'est la mer du Nord, c'est l'océan Indien pour le thon, etc. Cette capacité de pêche, elle est, largement exploitée. J'ai pas dit qu'elle était surexploitée par tous, ce qui serait un. Donc, en tout cas, on a besoin de réglementation. On a besoin de connaître l'indication de positionnement, de localisation des bateaux, des bateaux de pêche en particulier. Et ça, on y arrive grâce à un gros œuf. Voilà, que j'ai amené là. Que vous nous avez apporté. Alors, je suis désolé, vous qui nous écoutez. Donc, ça ressemble à un œuf d'autruche, on va dire. Voilà, un œuf d'autruche. Voilà, c'est exactement ça. C'est un œuf d'autruche, ou une grosse noix de coco, toute blanche. Elle est là, c'est que la coque ou... Oui, elle est légère parce qu'elle est vide, celle-là. Elle est vide, d'accord. Bon, ça, cette taille-là, et c'est rempli d'électronique, d'une antenne, voilà, batterie... Voilà, je peux lire un petit peu. Oui, je vous en prie. Donc, si vous allez au Guy de Vinec ou dans votre port préféré en France ou en vacances, vous regardez ce qu'il y a dans la mâture des bateaux de pêche. Et vous allez voir, pour les bateaux de pêche qui font, au-dessus de 10-12 mètres de long, vous verrez ce genre d'équipement. Donc, ça peut venir de chez nous, mais ça peut venir aussi d'autres systèmes. Et là-dedans, typiquement, vous avez... un récepteur GPS qui va calculer la position du bateau, son cap et sa vitesse. Et vous avez, en ce qui concerne ce modèle, un émetteur Argos, donc une balise Argos, hein, ce qu'on appelle une balise Argos. Balise Argos. Qui retransmet cap, vitesse et position. Cap, vitesse, position. Au fil de l'eau, de façon à ce qu'à distance, sans limitation de portée, c'est-à-dire si le bateau il est aujourd'hui dans le Pacifique, demain dans l'océan Indien et après-demain peut-être en Antarctique, on le suivra de manière continue, c'est-à-dire son administration des pêches aura sa position en continu. Et donc, vous me demandiez tout à l'heure s'il était capable, l'œuf d'autruche, là, de savoir ce que faisait le pêcheur. Pas encore tout à fait, mais il y a une prise là sous l'œuf qu'on vient connecter à une petite boîte qu'on met au niveau de la passerelle, c'est-à-dire à l'intérieur du bateau, qui permet aux pêcheurs de faire ces rapports, c'est des espèces de rapports d'activité, comme on fait au boulot aussi, hein. En disant aujourd'hui j'ai pêché X kilos de cabillaud de tel gabarit, etc., etc. Et ça aujourd'hui c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire qu'en Europe, quand vous mangez du poisson, là, le poisson qui a été débarqué en Europe, il a été pêché par un bateau équipé d'un œuf d'autruche qui donne la position, finalement, le lieu quasiment où le poisson a été attrapé. C'est la traçabilité depuis le filet jusqu'à l'assiette du consommateur. D'accord. Donc je vais faire passer l'œuf d'autruche, hein, c'est vous qui l'avez appelé comme ça. Tenez, madame, si vous voulez le regarder, et puis vous le faites passer, hein, et puis on va le faire passer comme ça dans la salle. Ok, donc ça, c'est la balise Argos. Voilà. C'est une balise Argos. Mais Argos, c'est pas une idée française. Alors, la mythologie, mon spécialiste d'à côté va vous dire que Argos, c'était le dieu aux centieux, faut pas se tromper sur la liaison, qui avait toujours un œil, en tout cas, pour surveiller ses brebis. C'est une idée française qui a été, j'imagine, cogitée par le CNES et qui a vu le jour dans le cadre d'un ce qu'on appelle un memorandum of understanding, un accord entre États. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est quelque chose de très fort quand on prend le recul. Ça a vu le jour dans les années 70 entre le CNES, qui est, en fait était le bras actif de l'État français, et ses équivalents aux États-Unis, qui étaient la NASA et la NOAA, l'Agence de l'environnement américaine. Et la force, je pense, des gens qui étaient autour de cette table, c'était de comprendre que ça ne servait à rien de cogiter sur un système qui allait être expérimental et retomber dans l'oubli au bout de 2 ans, et que si on voulait vraiment fédérer un groupe d'utilisateurs mondial, il fallait arriver avec une garantie de longévité, de pérennité sur des décennies, et d'une part, et d'autre part... C'est-à-dire, vous vous équipez, vous, bateau, mais en échange, voilà, nous, on connaîtra votre position sur la durée. On sera capable de déterminer votre position sur la durée. Alors au début, je ne pense pas qu'on pensait directement au bateau. À mon avis, la vocation d'Argos au début, c'était des bouées qu'on allait lâcher dans les océans pour mesurer les courants, pour connaître justement ces courants avant que les altimètres puissent nous en parler. Et puis également des balises qu'on allait mettre sur les ballons sondes pour les suivre. Ballons sondes. Et d'accord. Pour pouvoir suivre les courants atmosphériques. Et je reviens sur la force qui a fait que le système Argos s'est déployé dans le monde. Ça a été dès le départ d'impliquer des administrations utilisatrices qui l'ont porté dans leur pays, qui ont permis de franchir des barrières, par exemple dans un pays. Hein, une des choses les plus contrôlées, c'est l'utilisation des fréquences radio. Dans n'importe quel pays totalitaire, on sait bien que si on commence à ouvrir les fréquences, la voix du peuple, elle part en dehors. Ah, à l'inverse, on a besoin d'utiliser une certaine fréquence avec la balise Argos, parce qu'il faut bien communiquer. Et dès le départ, on s'est appuyé sur des fréquences qui étaient à vocation environnementale et qui étaient, je dirais, disponibles de manière coordonnée dans tous les pays du monde, quasiment, et qui permettaient pour un Américain, pour un Chinois, pour un Russe, pour un Français ou un Allemand, de contribuer en amenant ces balises Argos, ces flotteurs, de les mettre dans des systèmes internationaux et que tous ces gens, finalement, puissent partager le résultat de ces réseaux internationaux. Et ça, quand même, ramené dans les années 70, où c'était plutôt quand même une ambiance un peu de méfiance vis-à-vis de certains pays. Enfin, moi, ayant pas connu directement cette époque, je trouve que c'est une idée de génie, quoi. Et c'est ça qui fait que le système, 30 ans après, il fonctionne toujours. Le nombre de balises ne fait que augmenter. Et les applications qu'on a aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on y pensait il y a 30 ans. Ah oui. Parce que aller suivre... j'ai pas amené des anguilles, mais j'ai amené... Pardon, vous n'avez pas amené quoi ? Des anguilles, mais j'ai amené des photos d'anguilles équipées avec des balises Argos. Attendez, vous n'allez pas mettre des balises Argos ? Le gros œuf d'autruche, là, vous allez le mettre sur la balise Argos ? Sur l'anguille ? On a fait un modèle un peu plus petit. Il n'y a pas de surpêche mais avec les satellites, mais vous leur faites pas du bien quand même Et donc ça, c'est des applications, je ne pense pas qu'on y pensait il y a 30 ans. Alors attendez, donc c'est pas la balise, c'est pas celle-là, c'est pas le gros œuf d'autruche. C'est une version un peu améliorée. Alors c'est laquelle, vous l'avez ? Vous en avez un exemple ? Donc j'en ai un petit exemplaire, mais ça c'est pour les albatros. Donc c'est pour les albatros, mais quand même, alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est quoi ? C'est comme une boîte d'allumettes, quoi. Oui, voilà. Une demi-boîte d'allumettes. Deux morceaux de sucre. Quatre morceaux de sucre. Voilà, avec la pile. Avec la pile. Et donc, l'évolution technique au fil des années, elle a permis de miniaturiser les balises, de les rendre plus légères, d'augmenter l'autonomie, de faire qu'on est capable maintenant de suivre des albatros pendant... Enfin, les albatros, ça fait partie des applications les plus... pas les toutes dernières, mais les plus éprouvées, pardon. Un chat dans la gorge. Mais toutes ces améliorations techniques, elles ont permis de diversifier les types de suivi d'animaux marins, d'oiseaux de mer, etc., qu'on fait avec des balises Argos. Et tout ça, c'est aussi des façons de mieux comprendre l'environnement marin, parce qu'un animal qui vit toute l'année dans la mer, ou toute l'année sur une petite île entourée de mer, je dirais, il n'y a pas mieux placé que lui pour nous dire si la région se réchauffe, s'il y a de la pollution, s'il y a un impact humain dans son écosystème, etc. etc. Donc, voilà, donc on peut suivre effectivement tous ces animaux. Je vais faire passer aussi la mini-balise. Alors on va passer peut-être de l'autre côté, on va peut-être commencer par l'autre côté. Je vous le fais passer là. Ah ben, vous allez vous retrouver avec les deux balises en même temps. Tenez, monsieur. Elle est vide, celle-là aussi, non? Parce qu'elle est toute légère. Non, elle est pleine. Ah, elle est pleine. Ah, d'accord. Bon. Impressionnant. Et alors, je crois ce qu'on peut noter sur ces petites balises, c'est que on a parlé du suivi des bateaux pour connaître leur comportement et s'assurer qu'ils suivent les réglementations qui sont mises en place par les pays. Et en fait, ces petites balises permettent de faire le complément sur le suivi des poissons qu'on veut protéger ou dont on veut réglementer la pêche pour connaître leur comportement. Puisque la question de la surpêche, Jean-Pierre l'a dit, c'est un peu difficile aujourd'hui. Il faut regarder espèce par espèce et région par région, savoir si on est en situation de surpêche ou pas. Globalement, il y a un problème, ou un problème potentiel, mais on ne peut pas dire que c'est systématique. Et on ne peut pas dire parce qu'en fait, l'eau est opaque et personne ne sait combien il y a de poissons. C'est un énorme problème aujourd'hui. Comment est-ce qu'on connaît les stocks? Et donc, du coup, c'est ce genre de balise. Équiper une anguille comme ça, ça permet de connaître le comportement de l'anguille, de savoir là où elle va se nourrir, là où elle va se reproduire. Et donc, c'est à partir de cette connaissance-là qu'on va pouvoir édicter une réglementation appropriée. On comprend où elle se reproduit, etc. Et alors, je vois pas le rapport entre la connaissance du mode de vie de l'anguille et la réglementation. Eh bien, si vous connaissez la zone de reproduction et si vous pensez qu'il vaut mieux protéger les animaux pendant la période de reproduction, vous saurez à quelle époque de l'année, à quel endroit il faut interdire la pêche à l'anguille, si c'était ça la question. Mais donc, ce qui est important de voir là-dedans, c'est donc le parallèle, suivre le comportement des pêcheurs pour être sûr qu'ils suivent la réglementation et suivre le comportement des animaux pour que l'un soit bien adapté à l'autre et vice-versa. Dans un premier temps, il s'agissait d'abord avec les balises Argos de suivre les bateaux pêcheurs. Et puis aujourd'hui, on en est plus loin. On est capable, grâce à ces balises, ces mini-balises, de mieux connaître les modes de vie de ces animaux, justement pour faire en sorte qu'ils puissent se reproduire dans le calme, etc. Si on refait la chronologie, Jean-Pierre a dit les premières réglementations c'était les années 90 hein, sur la pêche, mais à ce moment-là on était un peu on voulait réglementer mais sans connaître exactement sans savoir exactement. Ouais. Aujourd'hui, on commence grâce à la connaissance du comportement des animaux, on commence à avoir des systèmes de suivi des stocks hein. Là, Jean-Pierre peut en parler parce qu'il connaît bien ce projet-là. Il y a un projet qui va démarrer, je crois qu'il doit être signé cette semaine d'une avec le gouvernement indonésien pour mettre en place sur toutes les eaux indonésiennes non seulement une surveillance des bateaux mais un système de connaissance des océans à la fois en termes de courant, température, salinité, mais aussi en stock de poissons. Une fois qu'on connaît le comportement des poissons et qu'on sait que le poisson, pour se reproduire, il a besoin de zones où il y a tel type de courant, de température, on peut, sur notre connaissance de l'océan, plaquer des modélisations de la dynamique des écosystèmes et savoir que telle année, à tel endroit, les conditions ont été mauvaises, la reproduction s'est mal passée, le stock va s'effondrer, et au contraire, que dans telle autre région du globe, ça s'est bien passé et qu'il va se reconstituer à tel autre endroit. Donc on peut connaître maintenant les stocks de poissons de façon... à peu près scientifique, c'est même scientifique, mais bon, avec une certaine marge une très grosse marge, on n'en est pas du tout à la question de savoir où sont les poissons et où sont les bancs de poissons, on n'en est pas là. Mais au niveau statistique, par contre, et donc c'est suffisamment pertinent pour que le gouvernement indonésien soit aujourd'hui prêt à mettre en place ce système-là sur une base opérationnelle. Et ça va être dans les prochains jours, Jean-Pierre. Philippe, il vient nous expliquer qu'à partir de données d'environnement, on va dire, plus de marquages de certaines espèces bien ciblées, on arrive à comprendre le comportement, encore une fois, de certaines espèces de poissons. Enfin, je dirais qu'il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui du thon. D'abord parce que c'est une espèce qui est très pêchée. Ensuite, parce que c'est une espèce qui, par nature, c'est un carnassier, c'est un chasseur. Il voyage tout le temps, il traverse les océans. Donc, faut pas imaginer qu'il va rester pendant 20 ans au même endroit, attendre tranquillement le bateau de pêche ou, le petit poisson pour le manger. Donc là, on est encore une fois dans une problématique qui est globale. Je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup dit depuis le début de la soirée, c'est qu'on raisonne assez facilement à l'échelle globale avant de redescendre à l'échelle régionale. Donc, quand vous êtes en train de chercher des solutions qui vous permettent de comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'océan Pacifique, vous pouvez envoyer des milliers de bateaux de pêche avec plein d'observateurs à bord, mais vous ne comprendrez jamais ce qui se passe, parce que le temps qui ramène les informations, l'environnement, la météo, le El Niño, etc., aura fait que les conditions changent, il faudra recommencer l'exercice. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de chercher des outils qui nous donnent cette information à actualiser suffisamment souvent. Tout à l'heure, on a parlé de données qui étaient actualisées tous les 10 jours ou toutes les semaines. Hein. C'est cette échelle de temps. Donc aujourd'hui, on regarde l'océan Pacifique et on est capable, avec plein de recoupements, de modèles, de scientifiques de différents bords, pas que des spécialistes de satellites, hein. Encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là, de toujours de fusionner plein de sources d'informations différentes. On est capable de dire le stock de thon de telle espèce qui se trouve potentiellement être en danger parce qu'il est une cible pour tel et tel type de pêche, il va être de manière plus favorable, favorisé, à tel endroit à l'échelle de l'océan, par exemple à l'échelle de l'océan Pacifique. Donc on est toujours dans des ordres de grandeur, on n'est pas en train de le délimiter avec des barrières de 10 mètres à 10 mètres près, mais on va raisonner à l'échelle du degré, par exemple, voire mieux sur les modèles de population de poissons. Et on va être capable, d'une part, de localiser, comme ça, la grosse palette sur une carte de la mer. Et on va être capable également de le faire revivre, c'est-à-dire de montrer que cette variation, au fil des saisons, de certains effets climatiques, etc., etc., simplement par le comportement naturel du poisson, par le comportement de ce qu'il mange, c'est-à-dire le fait qu'il y a du plancton, qu'il y ait des petites espèces qui viennent manger le plancton, qui deviennent des poissons qui sont appétissants pour les thons, etc. Ça apparaît dans la saison, ça disparaît. On va prendre en compte la saisonnalité du stock de poissons. Et donc, bien entendu, tout ça, le but, c'est pas de donner cette information à un pêcheur thonier pour qu'il gagne beaucoup plus d'argent. D'accord. On s'en garde bien. Le but, c'est de gérer. Le but, c'est de gérer. Ouais. Voilà. Et donc, c'est de dire, écoutez, à tel moment, c'est pas opportun d'envoyer les pêcheurs sur cette zone. Mais peut-être que dans 2 mois, ce sera plus opportun parce que il y aura moins d'espèces juvéniles et un peu plus d'espèces matures. Donc, c'est une façon de réguler ce qu'on pêche autrement que de, par exemple, raisonner sur la maille du filet ou sur des critères qui sont, je dirais, beaucoup plus intuitifs tels qu'on peut l'avoir. Alors ça, c'est de la pêche, j'irais, raisonnée. C'est, on regarde l'évolution du stock saison par saison et année par année, avec des instruments qui sont, j'irais, bien calibrés. Donc on voit effectivement que d'une année sur l'autre, les zones de pêche ne sont pas les mêmes. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un travail approfondi pendant 2 ans et qu'on avait plein de thésards... On ne sait pas tout, là. ...qu'on sait tout pendant 10 ans. Il faut se remettre sur la planche et recommencer ça en continu. Et puis d'autre part, comme les pêcheurs, ils sont quand même loin d'être idiots... On va se dire, s'il y a du poisson, il y a des pêcheurs. Et donc, d'une part, on aura les bons pêcheurs, c'est comme dans le sketch des Inconnus, ils auront une balise à bord, et eux, on ne se pose pas la question, puisqu'on les suit, on sait déjà où ils sont. Leur gouvernement savent où ils sont. Et bien entendu... Le problème, c'est les pêcheurs clandestins, c'est ça ? Et les mauvais pêcheurs. Ah oui. Donc les mauvais pêcheurs par rapport aux bons pêcheurs, c'est pareil. Hein. Honnêtement, je veux dire qu'ils ont les mêmes préoccupations au quotidien. Mais il y a certains pêcheurs, malgré tout, qui ne sont pas encore équipés dans le monde, qui ont des bateaux de pêche industriels. Je ne parle pas du pêcheur du coin de la rue avec une petite barcasse de 8 mètres. Des pêcheurs industriels qui arrivent à passer à travers les systèmes de régulation et qui... qui n'ont pas la balise... Eux, ils n'ont ni la balise Argos, ni la balise Lambda, ni rien du tout. Okay. Et ils se gardent bien de vous expliquer où ils seront la semaine prochaine. Alors, comment vous faites avec eux ? Par contre, ils ont des technologies qui leur permettent, malgré tout, de cibler... les stocks de poissons ou des conditions, et c'est l'expérience du pêcheur. Donc, et c'est là où je voulais en arriver. donc pour cela, il faut encore aller chercher une autre famille de satellites dont on n'a pas encore parlé. Là, on a parlé de l'observation de la Terre avec Jason, les altimètres, etc. On a parlé des balises, donc des satellites qui ont plutôt une vocation de localisation, de télécommunication, de positionnement. Et là, c'est une autre famille de satellites qui embarque des radars, donc un système qui envoie des ondes depuis le satellite, une onde électromagnétique. Cette onde, elle va vers la... Quel satellite, par exemple ? Donc, il y a un satellite qui était un bijou européen là, qui s'appelait Envisat, mais qui malheureusement n'est plus dans le... avril, c'est fini, là. Voilà. Donc, il est tombé en carafe. Lui, c'est fini. On attend les suivants, le premier s'appelle Sentinel-1. Mais il y a des satellites. Ça va être remplacé par les Sentinelles, hein, qui sont des satellites européens. Le Sentinel 1, en l'occurrence, le premier de la série. Et puis, ça, c'est pour encore quelques mois. Mais aujourd'hui, le service, il est opérationnel. Si on cherche des satellites radars, grâce à des agences spatiales comme l'agence spatiale canadienne. D'accord, ils ont des satellites radars. Voilà, qui sont donc disponibles et que nous, on utilise au quotidien pour faire de la surveillance des pêches. Ok, alors qu'est-ce que vous faites avec ces satellites radars ? Donc, qu'est-ce qu'ils apportent ? Ces satellites, ils vont regarder la mer, ils vont envoyer des ondes électromagnétiques. Ces ondes vont se refléter selon les bonnes vieilles lois de cher ami Philippe Descartes ou Fresnel ou je ne sais pas qui, à la surface de la mer. Et cette onde va revenir vers le satellite et va être mesurée. Et à partir du signal qu'on reçoit au satellite, on va reconstituer une espèce d'image qui va vous indiquer ce qui est en surface de l'eau. Ok, donc le radar, en fait, vous permet de savoir quels sont les bateaux, quels sont les navires qui se trouvent effectivement à la surface de l'eau. Alors, tout ce qui va... c'est pas que les navires, c'est déjà le premier signal qu'on reçoit, c'est la mer elle-même. C'est-à-dire que... On va peut-être pas aller jusque dans ce niveau de détail, mais je voudrais vraiment qu'on réponde à cette question. Comment est-ce qu'on fait pour pour détecter ces bateaux clandestins au fond de la pêche ? Le satellite. Vous dites que c'est le radar. Alors, allez-y. Le satellite, il va prendre, pour parler simple, il va prendre une espèce d'image. Il va prendre une image qui est très large. Hein, c'est-à-dire, en quelques secondes, il voit un carré de 300 par 300 km ou 500 par 500 km. Donc, c'est quand même beaucoup mieux que ce que vous pourriez faire, même vu d'un avion. Hein. Il voit cette image et il nous la renvoie au sol. Donc nous, on a des antennes qui permettent de récupérer cette donnée. Et dans la demi-heure qui suit, on a un analyste qui a regardé l'image, qui l'a interprétée et qui a, de manière quasi automatique, sorti des points qui correspondent à des échos de bateaux. Ok, donc on sait où sont les bateaux. Alors là, on va savoir où sont les bateaux. Qu'ils soient bons ou mauvais, qu'il ait une balise ou pas. Voilà. Et alors quoi, vous allez faire la soustraction de l'ensemble des bateaux ? Vous allez faire l'ensemble des bateaux moins les bons bateaux ? Ça doit vous donner les mauvais bateaux ? Ça va tout au moins donner les bateaux où il faut qu'on s'intéresse un peu plus à eux. Ah oui, auquel il faut suspect, les bateaux suspects, d'accord. Ok, c'est, j'ai compris. D'accord. Donc on fait une soustraction avec différents systèmes entre différentes images et on arrive comme ça à détecter les navires qu'il faut suivre d'un peu plus près. Et donc ça, on le fait aujourd'hui au quotidien depuis plusieurs années dans une zone très très au sud de l'océan Indien qui s'appelle les Kerguelen. Ah oui. Hein, c'est les 50e rugissant, voire même 55. Où on n'a pas trop envie d'aller, on n'a pas envie d'envoyer des patrouilleurs ou des observateurs scientifiques pour rien. Donc les images satellites, elles nous permettent de dire, là, il y a de l'activité de pêche. Enfin, elles le disaient parce que maintenant, il n'y en a plus. Justement, le système a fait ses preuves. Ah, le système a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bateaux clandestins au Canada. À l'époque, il y avait rien que des zones qui sont des territoires, des cailloux français là, dans l'océan Indien. On comptait plusieurs centaines de bateaux de pêche illégaux de manière permanente, c'est-à-dire... Ils ne faisaient pas que rentrer pour ressortir, ils étaient là en toute impunité puisqu'ils savaient qu'ils étaient à 5000 km du premier, entre guillemets, garde-côte ou gendarme. Ah oui, on pouvait pas les chercher. Ils avaient le temps de leur venir. Et donc, ça, c'est des missions qui sont forcément coordonnées avec des moyens de répression. C'est-à-dire que vous avez beau dire aux pêcheurs que vous l'avez vu, tant que vous ne lui avez pas envoyé un signal fortement dissuasif, il continue de pêcher. Donc, ces informations d'image, d'analyse de situation, qui sont... Il y a 10 bateaux sur la zone, mais il y en a que 3 qui ont des balises Argos, donc intéressez-vous aux autres. Elles sont transmises vers des bateaux de la Marine nationale, par exemple, qu'elles soient françaises ou australiennes, puisqu'on fait ça aussi pour le compte des Australiens. Et ça permet, je dirais, de cibler des actions de contrôle. Alors, au Kerguelen, il y a eu des actions comme ça de contrôle ? Voilà. Donc, Kerguelen, les îles qui s'appellent Heard et McDonald, qui sont des cailloux australiens. Et puis, ce concept, il commence à... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé demain ? Racontez-nous l'histoire. Donc, effectivement, il y avait une centaine de bateaux de pêche. Donc, et aujourd'hui En gros, il suffit de faire de la dissuasion. C'est un peu comme les radars sur le bas des routes. Ouais. Vous en attrapez un, vous le laissez sur le bas-côté, et vous lui mettez un PV et tout le monde ralentit. Quoi. Donc aujourd'hui, on n'a plus de problème de pêche. Alors, ces bateaux, j'imagine qu'ils sont partis ailleurs. Mais en tout cas, ils ont changé leur zone de pêche. D'accord. Ils étaient sur des zones qui étaient particulièrement intéressantes d'un point de vue économique parce qu'on pêche ce qu'on appelle la légine, qui ressemble à une espèce de gros mérou très très gras qui fait 50 ou 100 kilos et qui se vend des dizaines et des dizaines de dollars le kilo dans les pays d'Asie qui adorent cette pêche. Au Japon en particulier, oui. Donc forcément, ça valait vraiment le coup d'y aller. De remplir les soutes et de revenir débarquer tout ça dans des pays qui, évidemment, fermaient les yeux sur ce trafic. Donc, on les a chassés des zones surveillées, ils sont sans doute ailleurs, et ça a montré, aujourd'hui, ça fait partie de l'initiative qui était au départ française et qui s'est propagée à l'Australie, ça fait partie des cas d'école d'une contribution satellitaire à des moyens de surveillance et de ce qu'on appelle de polissage, enfin, d'enforcement en anglais, C'est-à-dire que le système ne fonctionne que parce que derrière, vous avez malgré tout un bras armé. C'est-à-dire, encore une fois, il faut toujours être assez modeste dans ses objectifs. Si vous n'avez que des satellites et que vous vous contentez de regarder le monde avec des satellites, vous ne ferez pas beaucoup de répression. Ah oui, ça ne changera pas grand-chose. Donc il faut malgré tout faire travailler les gens de la mer, les marins, l'aéronaval, enfin tous ces gens qui ont quand même une vocation à rester au niveau des océans. Voilà. Ok, merci Jean-Pierre Cozac pour cette plongée, hein, on peut le dire, dans, ouais. Dans ce monde de la pêche. Je crois qu'on y voit un peu plus clair et on a bien compris qu'effectivement les satellites... Bah, ils ont vraiment révolutionné là aussi, hein, la pêche et puis la gestion de la pêche. Ils tombent à point nommé ces satellites. Hein. On a un problème de surpêche et on a les satellites qui sont là et qui peuvent aider à gérer les stocks, comme on dit. C'est plutôt encourageant pour la suite. Michel, est-ce que ça t'a inspiré ? D'abord, juste un petit poème que j'ai retrouvé là de Baudelaire. L'Albatros, souvent pour s'amuser... J.P. Cozac et Philippe Aisantier prennent des albatros pour leur greffer des balises Argos. Topex, Doris et Jason sont de vilains polissons. Maintenant, faut faire attention. Quand on fait du topless sur le pont du yacht de tonton. Oh, oh, oh. Oh oui. Maintenant, il faut faire rimer topex Poséidon avec topless sur le pont. Elle est pas mal, celle-là aussi. Ouais. Hein. Oui, non, ça c'est pas mal. Alors, monsieur. Oui, je voulais savoir, par exemple, à partir de quelle dimension de bâtiment on pouvait retrouver par l'image radar la correspondance, enfin, de savoir que c'était un bateau. Donc, quelle dimension de bateau, savoir si... Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Vous avez plein de petites questions, ouais. On va avoir plein de petites réponses. Petites réponses, courtes. Donc, quelle dimension de bateau ? Jean-Pierre Cozac, pour l'imagerie radar. Oui. Alors, ça marche. Ça, encore une fois, c'est une excellente... Une excellente question. Avec une réponse courte. Donc la réponse courte, c'est ça dépend. Deux mots, pas mal. La réponse moyenne, c'est on va commencer par une résolution assez basique, on va dire 25 ou 50 ou 100 mètres de dimension de bateau. Et puis on va resserrer, c'est un peu comme en photo, c'est-à-dire vous commencez par avoir une vision d'ensemble parce que vous ne savez pas où est le sujet qui vous intéresse. Et puis vous resserrez la cible, et donc là vous changez de mode sur le satellite, et vous pouvez descendre jusqu'à 2-3 mètres. Mais vous ne ferez pas une image avec 2 ou 3 mètres de résolution au milieu de l'océan Pacifique, typiquement. Donc si je veux prendre deux exemples aux deux extrémités, au milieu de l'océan Pacifique ou des Kerguelen, là, on ne sait pas trop où sont les bateaux, on va ratisser large, et puis on sait bien que les bateaux qui sont là-bas, c'est des gros. Donc on va choisir des modes qui sont à basse résolution et à très large couverture. Donc là, on verra des bateaux qui font 100 mètres de long, typiquement, hein, c'est des bateaux industriels. Et puis quand je commence à m'intéresser à une activité toujours d'intérêt, on va dire par exemple ce qui peut se passer au large des côtes de la Somalie ou des choses comme ça, où on a du renseignement, on sait où pointer, on sait à l'avance où pointer, etc. Donc là, c'est un peu comme en photo, on va prendre noter l'objectif. Et on va avoir une vision beaucoup plus resserrée, donc de quelques dizaines de kilomètres de côté. Mais on verra des objets d'intérêt de quelques mètres. Avec la possibilité de faire la distinction entre bâtiments de pêche et voiliers, par exemple ? Alors là, ce n'est pas encore complètement automatisé, mais c'est le métier de l'expert. L'analyste, il vous dit, typiquement sur un bateau de 70 mètres, l'analyste, donc c'est un métier, hein, ça ne s'invente pas et ça ne se fait pas dans la soirée, il vous dit en gros ce qu'il y a sur le pont du navire. Il vous dit, il y a ce qu'on appelle le château. Il ne voit pas les membres d'équipage avec leur casquette qui brille. Mais il vous dit... Les quoi qui brille ? La casquette. Ah, la casquette qui brille, oui. On peut continuer à faire du topless sur le pont. Il y a tel type de superstructure. Donc, le bateau, il est dédié à tel type d'activité. Autre question. Serait-il possible pour un bâtiment qui aurait perdu sa balise Argos ou dont la balise ne fonctionnerait plus de pouvoir le relocaliser ? Je pense par exemple à des Vendée Globe dans lesquels on s'est mis à rechercher des marins qui étaient disparus. C'est vrai qu'on se souvient hein, de ce Vendée Globe. C'était un moment particulièrement, on va dire, épique et douloureux. Et, Et je crois qu'on s'en souvient plus de 15 ans après, parce que c'était, ça a été la démonstration que ce système-là, il était incontournable. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les skippers qui sont venus après le Vendée Globe. On a eu Isabelle Autissier qui est venue débriefer chez nous, qui avait monté une espèce de groupement des... Qui est venue à Toulouse, à CLS, pour parler. Oui, oui, oui. C'est elle qui s'est mise à remonter le Cap Horn dans le sens contraire au vent pour essayer de rechercher. Ah oui. Donc il y a eu des scénarios comme ça sur deux ou trois éditions du Vendée Globe. Heureusement, depuis quelques éditions, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc ça, c'était dans les... J'ai plus la date exacte, mais c'était édition dans les années 90, là, où on a eu trois ou quatre bateaux qui ont eu pratiquement... D'abord, les conditions étaient vraiment particulièrement difficiles dans la zone sud, là, les 50e. On a eu trois, quatre cas de bateaux qui ont eu des avaries qui sont... irréversible, c'est-à-dire des casses de quilles, par exemple, où le bateau, en quelques secondes, il se retrouve la tête en bas. Il se retourne, ouais. Et un bateau du Vendée Globe, ce qu'on appelle une classe 40, là, les IMOCA, c'est des espèces de... C'est quasiment des planches à voile ou c'est des crêpes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont la tête en bas, ils ne peuvent pas revenir. Ils sont extrêmement larges. Mais donc, ils ont une balise Argos, donc... Donc, ils avaient des balises Argos. Donc, on avait la route du navire, du bateau depuis le départ, jour par jour. OK. Donc, faut pas confondre Argos, par exemple, avec un système qui serait déclenché au moment où il se passe quelque chose. Oui. C'est pas du tout la vocation. Ça existe, ces systèmes-là. C'est pas Argos. Alors, c'est vrai que le journaliste, il a tendance à dire, il a déclenché sa balise Argos parce qu'il a un avarie. C'est pas du tout le cas. Il la déclenche dans le port des Sables d'Olonne, hein, en partant. D'accord. Et c'est ça qui contribue à suivre. Donc, c'est pas un problème de balise Argos. Oui. Les skippers, ils se retrouvent dans les 50e, ils cassent sa quille. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent la tête en bas, le mât bien à la verticale, impossibilité de remettre son bateau à l'équilibre. Et donc, à l'époque, on se souvient par exemple de Géry Rouff, et puis il y en a eu d'autres, Dubois et d'autres. Il y a ceux qui ont, je dirais, eu sans doute les quelques minutes, quelques secondes dans lesquelles il faut sortir de son pieu et d'agir très rapidement. Ils se sont mis dans des caissons de survie, donc des caissons qui sont à l'air, à l'intérieur du bateau. On se retrouve dans une espèce de cocon et là on peut respirer et on attend les secours. Ceux-là, ils ont eu de la chance, on va dire. Et ceux-là, ils étaient d'une part localisés par les dernières positions disponibles de la balise. Voilà, donc il n'y a jamais eu d'exemple de panne Argos, ce qui fait qu'on aurait été dans le vide total. D'accord. Alors l'exemple de monsieur, où justement, donc, on ne sait pas où est le bateau. Là, on sait où est le bateau. Donc pourquoi est-ce que le bateau, il est retourné. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut ne pas savoir où est le bateau? Donc j'y arrive. Là, dans ces cas-là, la balise Argos, elle va à un moment ou l'autre se retrouver la tête dans l'eau, quoi. Donc on n'a plus ce signal. Donc toute l'intelligence des équipes de secours et puis des gens aussi à CLS pour éventuellement donner du renseignement, c'est d'analyser la route. C'est comment le bateau il est arrivé à cet endroit? Est-ce qu'il a été déjà en perte de contrôle? Est-ce que le skipper il était déjà assommé et qu'il a fait peut-être X heures de navigation en ayant perdu le... À l'époque, il n'y avait pas le téléphone satellitaire et tout ça. Donc si je me souviens bien comment ça s'était passé à l'époque, pour certains skippers, on savait pas s'ils étaient vivants ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on cherchait, c'était la coque du bateau. Parce qu'on savait qu'un bon skipper qui a quand même des heures de vol, s'il reste dans le bateau, il peut être sauvé. Le pire cas, ce serait le gars qui aurait été éjecté. Hein. La flotte devait être à 0 degré, quelque chose comme ça. Donc on a eu, effectivement, on a retrouvé un certain nombre de skippers comme ça qui étaient restés dans des caissons de survie à l'intérieur du bateau, avec de l'air, etc. etc. Et donc, après, c'était le seul qu'on n'a pas récupéré, c'est Géry Rouff, hein, si je me souviens bien. Et ils sont venus à Toulouse. Ils ont dit, bon, écoutez, votre système, il est formidable, parce que franchement, tous les autres équipements à bord du bateau, ça fait longtemps que dans les conditions de mer où on était, ils étaient tous dégommés. Donc la balise, elle continuait à fonctionner. Elle avait son autonomie. Elle prenait des paquets de flotte dessus, mais elle continuait à fonctionner. Et c'est comme ça que vous avez su où on était. Encore une fois, quand vous regardez la carte du monde, là, vous prenez Google Earth, vous faites pivoter, et vous regardez ce que c'est que la route d'un tour du monde, il n'y a pas une terre habitée à plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Donc on n'y va pas pour comme ça en deux heures, etc. Donc ils ont dit, votre système est formidable, ça doit devenir obligatoire sur les grandes courses transocéaniques. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait quand notre IMOCA, là, notre bateau, il a retourné comme une crêpe et qu'il ne reviendra jamais dans le bon sens? Et donc là, ils ont une idée, c'était, on met ce qu'on appelle un passe-coq, donc un trou dans la coque avec un bouchon, et qui sert pour passer des instruments, des capteurs, etc. Et là, on a une balise, ils ont inventé, c'est les skippers qui l'ont inventé, ils ont inventé la balise bateau retourné, Ça n'a pas été breveté, mais c'est ça que ça sert à ça. C'est-à-dire que quand le bateau est à l'envers, eh ben, y a une autre balise, une balise de plus, qui, elle, voit le ciel à travers ce trou dans la coque, entre guillemets, et qui va permettre de localiser. Donc à partir du moment où cette balise est reçue... Qui est une balise Argos ou pas ? Qui est une balise Argos. Okay, d'accord. Et à partir du moment où cette balise, on la reçoit, c'est que le bateau, il est à l'envers. C'est ce qu'on appelle la balise de détresse ? C'est ce qu'on appelle la balise de détresse. Non, justement, donc c'est ce que je disais au début. Ouais. Mais c'est bien de me reposer la question, ça me permet d'insister sur la question. C'est, la terminologie Argos, ça n'a jamais été... il ne faut pas le mixer avec balise de détresse. Le système, il n'a pas été ni inventé, ni maintenu. Il n'a pas vocation à être un système de détresse. Hein. Ça, j'insiste, parce que y a des gens qui sont payés pour ça, hein, de gérer des détresses en mer, et ce n'est pas sur Argos. Voilà, c'est un système qui s'appelle Cospas Sarsat. Cospas Sarsat. Voilà, qui est également de la même génération. On reprend une question de monsieur. Oui, est-ce qu'il y a une limitation à l'état de la mer, sur l'état de la mer, pour l'imagerie radar, quand on est sur un bateau, il y a des limitations sur les retours d'écho de... Est-ce que pour l'imagerie satellite aussi? Alors, Philippe Escudier, est-ce que vous avez... Non, mais je pense que Jean-Pierre, je pense à la réponse. Jean-Pierre, allez-y. Non, je veux bien le faire. Hein. Pas de problème. Là, 2-0. Donc, ce qu'on va voir, effectivement, c'est du bruit. Plus la mer est agitée, plus elle est fragmentée, les vagues, etc., ça va créer du bruit. Et ce que n'importe quel scientifique sait, c'est que le signal dans le bruit, c'est plus difficile à trouver. Un bateau de pêche de 100 mètres de long, vous le verrez facilement par mer calme et vous saurez exactement ce qu'il y a à la surface du pont, enfin, sur le pont. Dès lors que vous mettez du bruit, le bateau il bouge, la mer autour du bateau elle est perturbée. Alors on va donc prendre c'est un tout petit peu plus compliqué de l'identifier. D'accord. Et dernière question, on parlait tout à l'heure de déplacement de poissons. Quelque part, quand on met une balise sur entre guillemets un poisson, enfin une balise par poisson, j'ai envie de dire sur le plan scientifique, il faut quand même un certain nombre de balises sur la même espèce pour pouvoir dire là il y a un banc de poissons. Parce que si on se fie entre guillemets à un ou deux poissons, hein, on peut imaginer qu'il y ait quelques poissons qui aient peut-être un déplacement erratique et qui nous fassent prendre idée qu'il y a un déplacement de milliers de poissons alors qu'en fait c'est isolément qu'ils seraient partis là. Donc ce que je veux dire, c'est scientifiquement, vous devez mettre en place une méthodologie qui fait que vous devez en mettre un certain nombre avant de pouvoir valider l'information qu'il y a en masse un déplacement. Oui, donc il faut effectivement pas marquer un seul poisson. Alors ce qui atténue la criticité du point que vous soulevez, c'est le fait qu'on s'intéresse, comme a dit Jean-Pierre, ce qui nous intéresse, c'est des poissons, des espèces de poissons qui sont des espèces pélagiques qui traversent l'océan, et en général, ces espèces-là sont grégaires. Alors il y a peut-être le vieux mâle ça veut dire qu'elles vivent en groupe. Alors il y a peut-être le vieux mâle qui, comme chez les lions ou je sais pas quoi, qui lui est solitaire, ou chez les éléphants, qui lui est solitaire. Ça peut arriver si c'est sur un canton, mais il en faut plusieurs pour le voir. Mais en règle générale, on parle d'animaux grégaires, donc le comportement d'un est représentatif. Mais le comportement d'un n'est pas représentatif de tout, et donc il faut marquer un certain nombre de poissons. Ce qui est pas forcément simple. Hein. Il y a pas longtemps une campagne de marquage en Méditerranée et arriver à attraper, parce que pour leur mettre la balise, les poissons, il faut quand même aller les chercher une première fois. Hein. Donc, sachant qu'on a en fait deux systèmes pour marquer les poissons, on a le système où on attrape le poisson, on lui accroche donc une balise qui est un peu l'équivalent de la petite que vous avez vue, mais avec un emballage qui lui permet de vivre sous l'eau. Et en fait, le poisson va traîner cette balise pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois, cette balise est attachée par un câble. Et au bout de quelques mois, il y a un système c'est fait par de la corrosion naturelle. Le cap va se détacher, la balise va remonter en surface et on va récupérer les données par Argos. On récupère toutes les données quand la balise se détache parce que quand le poisson est sous l'eau, même chose que pour le bateau retourné, quand le poisson est sous l'eau, le signal on reçoit pas. Donc ça c'est une technique. On le pêche une seule fois. Par contre, on peut suivre le poisson pendant quelques mois, mais il faut pas régler trop longtemps parce qu'il faut qu'il ait suffisamment de batterie pour tenir toute la vie tout le travail. Plus la transmission. Il y a une autre technique qui consiste à pêcher le poisson deux fois. Donc là, il n'y a pas de transmission satellite. Donc on pêche le poisson une première fois, on lui met un équipement. Alors là, on l'ouvre chirurgicalement, on lui ouvre le ventre, on lui met un équipement qui va stocker toutes les informations. Et si le poisson est repêché, à ce moment-là, on récupère les informations et on va les décoder. Donc là, il y a l'avantage qu'on peut les suivre pendant plus longtemps. Par contre, il faut pêcher le poisson deux fois. Mais quand on pose la question de la surpêche, ce qui est étonnant, c'est que... Alors, ça, c'est un système qui, pour des raisons culturelles et autres, marche pas très bien sur les côtes européennes. Mais par contre, aux États-Unis, maintenant, les pêcheurs jouent le jeu. Et quand ils pêchent un poisson dont ils voient qu'il y a une petite marque disant qu'il y a une balise à l'intérieur, ils l'amènent à l'organisme scientifique qui va bien. De toute façon, ils sont dédommagés. Et donc là, je crois que la durée moyenne entre deux pêches, c'est de l'ordre de 2 ans. Ça veut dire que un poisson que vous avez pêché, vous le relâchez à l'eau, et un poisson qui est pas qui a un joli ton, quoi. Le 2 ans après, il sera repêché statistiquement. Ça veut dire que la pression de la pêche est quand même forte. Dans le ciel vide, les satellites, ces dents d'Euclide calculent les hauteur des rides sur l'océan, imprévisible et sur la terre, patatoïde. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais nous nous acheminons lentement vers la fin de la soirée. Et donc, si vous avez envie de discuter avec nos intervenants, n'hésitez pas. Alors justement, on a une personne qui voudrait s'exprimer. Monsieur. Bonsoir. Je voulais revenir justement sur le fait de mettre une balise sur des poissons qui sont amenés quand même à passer une bonne partie de leur vie sous l'eau. Comment est mesuré justement leur trajet si la balise est immergée ? Jean-Pierre Kozak. Voilà. Alors, on vous a pas mystifié, hein. On a oublié de dire au début, c'est que le satellite, il voyait pas encore ce qui se passait sous l'eau, enfin, à part super altimètre. Donc, on vous mystifie pas. Il faut commencer par dire qu'effectivement, il n'y a pas de communication de l'océan vers le satellite possible dans l'eau. Donc, comment ça marche? Comment on a le comportement du poisson une fois qu'il a été pêché une première fois, qu'on lui a accroché sa petite balise, etc. Ces balises, elles sont faites spécialement en fait pour être relâchées. Donc, elles vont avoir deux modes de fonctionnement. D'abord sous l'eau et ensuite en surface. Donc, pendant qu'elles sont sous l'eau, elles n'émettent pas parce qu'elles savent que ça ne servira à rien. Par contre, elles vont avoir des capteurs qui vont leur permettre d'enregistrer des choses intéressantes comme la pression, donc la profondeur. La température de l'eau, c'est un indicateur très important. Et puis également, la luminosité. Et un peu comme Christophe Colomb, à partir de la durée de luminosité par rapport au midi, etc., là, c'est-à-dire à la fois la durée et le décalage jour après jour de la période lumineuse, ben, on a une indication de la latitude et de la longitude. Donc ça, c'est de la navigation du temps des grandes découvertes. Et tous ces paramètres-là sont enregistrés. Et au bout d'un moment, la balise, elle a un petit anneau qui se décroche, enfin, un système qui va se larguer au bout de 30 ou de 60 jours, et elle va remonter en surface et elle va vider tout son enregistrement pendant plusieurs jours et elle va l'envoyer vers les satellites Argos et on va récupérer cette information. Donc l'information, là, on sait ce qu'a fait le thon en temps différé, hein, faut attendre les 30 ou 60 jours par exemple, mais on a tout son historique de déplacement. Alors après, bien entendu, le scientifique qui reçoit ça, on peut lui faire confiance pour recouper toutes ces informations avec des historiques de données océanographiques. Donc il va venir corréler ça avec la température des océans provenant d'autres capteurs. Et là, on a encore des systèmes avec des balises Argos dedans, on pourrait en parler. Des systèmes qui s'appellent des profileurs, des flotteurs Argos. Il va corréler ça avec de la donnée de température de surface, avec, par exemple, une indication du plancton, encore une fois, il va un peu imaginer, reconstituer ce qu'a pu faire le poisson sur les 30 ou 60 jours qui l'ont séparé à partir du moment où il avait été marqué jusqu'au moment où on a récupéré la balise. Et donc, à la fin, la balise, elle est en surface, elle flotte, elle vide sa mémoire. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la balise, par exemple, un compas, un gyro ou un accéléromètre? Est-ce que c'est des choses qui pourraient être pertinentes dans la balise? Philippe Escudier. Donc ça, c'est des éléments que les biologistes aimeraient bien avoir dans le futur. Aujourd'hui, les équipements qui existent, la mesure de base, c'est la lumière, mais ça n'a pas une précision gigantesque. En particulier, quand on est près des équinoxes, l'information longueur du jour, ça donne pas une position très précise en latitude. Donc on le complète avec ce que toutes ces balises mesurent, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est température, salinité et profondeur. Donc ça, c'est un complément. Mais effectivement, on travaille avec des équipes qui aimeraient bien rajouter des capteurs magnétiques et des choses comme ça pour encore affiner la pression de la localisation. Aujourd'hui, c'est du domaine de la recherche, c'est pas encore dans les capteurs opérationnels. D'autres interventions, madame. Bonsoir. Indépendamment des balises, est-ce que les satellites ont permis des avancées dans le domaine de l'archéologie sous-marine en permettant certaines découvertes? Philippe Escudier. Alors là, je pense que oui, j'aurais pas de réponse directe, autrement peut-être que par l'histoire qu'a raconté Paul au début. Là, c'est-à-dire que le quand on connaît, si on a connu sur l'histoire d'un bateau, on a quelques éléments et que la connaissance de l'océan permet, en connaissant les courants, de faire le lien entre ce qu'on a et puis du coup de retrouver une position. Je dirais que c'est comme ça que ça peut marcher. Mais un lien direct, on peut pas voir une épave au fond de la mer. Mais voilà. Donc là, c'était l'exemple d'un bateau qui a été retrouvé. On avait des indications qui étaient soit des passagers, soit des morceaux du bateau qui avaient été repêchés en surface quelques jours après ou quelques semaines après. Et donc, en remontant le temps, connaissant les courants, on peut savoir où est le bateau. Voilà. Je pensais plutôt à des structures englouties. Les structures englouties, je pense pas qu'on puisse les détecter directement par satellite parce que on a rien qui va directement voir sous l'eau. Donc si c'était vraiment quelque chose de très massif, du genre une montagne, alors on revient aussi à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que si on avait vraiment quelque chose qui était très massif et qui perturbe le champ de gravité de la Terre localement, on pourrait le voir, mais c'est pas possible. Géodésie. Donc c'est, je ne vois pas, je sais pas si quelqu'un, je crois pas qu'on ait de moyens directs de retrouver ça. On peut pas voir sous l'eau. Qu'indirect. Il faut avoir d'autres indications, et puis à ce moment-là, la connaissance qu'on a de l'océan peut peut-être aider à affiner la zone de recherche. Mais sinon, je ne pense pas. Monsieur. Merci, bonsoir. Une question un peu moins pêche. Grâce aux satellites, notamment CryoSat, on a pu constater la fonte de la banquise et donc les impacts climatiques. Qu'est-ce qu'on sait de ces impacts sur l'océan aujourd'hui? De quoi on est sûr? C'est une question par tweet ou c'est une question à vous? Une question personnelle, ok. Philippe Escudier. Alors, aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'initiatives pour essayer de comprendre le changement climatique, et là aussi le satellite apporte un certain nombre d'éléments de réponse. Notamment, ça a été beaucoup médiatisé. On sait qu'un des indicateurs du changement climatique, c'est la montée du niveau moyen des mers. Donc ça, c'est quelque chose que les fameux altimètres permettent de suivre, puisqu'on a le niveau instantané de l'océan un peu partout sur la Terre. Si on fait des moyennes sur tout l'océan, on est capable, donc puisque le satellite couvre toute la Terre en 10 jours, si on parle de Jason, on a tous les 10 jours un point de mesure du niveau moyen de la mer, et on a donc depuis une vingtaine d'années l'évolution de ce niveau moyen des mers. Alors, donc vous confirmez l'élévation moyenne du niveau des mers au cours des années passées, et donc le changement climatique. Donc c'est un indicateur. Alors maintenant, non, mais il faut parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question quand même sur le changement climatique. Donc d'accord. Donc ça, c'est un indicateur fort. Pour revenir à la glace. Donc maintenant, si le niveau de la mer augmente, en fait, on peut raisonnablement penser, ça c'est pas nous qui, c'est aux gens qui interprètent les mesures. Hein. Nous, on fait qu'observer. Donc nous, on constate que le niveau de la mer monte d'à peu près 3 mm par an depuis 20 ans, depuis qu'on a les satellites. Maintenant, la question, c'est si le niveau de la mer augmente, il y a plusieurs causes possibles à cette augmentation. Le niveau de la mer peut augmenter parce qu'on chauffe l'eau, et par dilatation, elle va augmenter. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'eau qui est plus chaude prend un volume supérieur à une eau qui est froide. Voilà. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a pensé être une cause importante pendant longtemps. Et puis, en fait, on s'aperçoit depuis quelques années que la composante apport d'eau douce due à la fonte des glaces sur les glaciers terrestres représente une part significative de cette élévation, de cette augmentation. Quel pourcentage, vous avez une idée de ça? Alors, je ne vais pas me lancer dans les chiffres parce que je suis très mauvais sur les chiffres, mais c'est une part conséquente. Je ne sais plus si c'est le tiers ou la moitié, ça dépend. Donc ça a augmenté sur le dernier siècle. Alors là, si on parle, si on sort des satellites, c'est une part significative. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un ici a le chiffre. Oui, c'est entre le tiers et la moitié, je crois. Et donc, ce qui est intéressant pour vraiment interpréter et analyser ce changement climatique, c'est de pouvoir donc dissocier les différentes causes. Qu'est-ce qui est dû au changement de température? Et là, on revient sur tout ce que l'on fait pour connaître la structure des océans, pour avoir le bilan en termes de température, donc ce qui nous permet de quantifier ça, peut-être la moitié du bilan. Ensuite, il y a les apports d'eau liés à la fonte des glaces. Et là, il nous faut des instruments qui mesurent les glaces. Alors, par contre, par rapport à votre question, je ne sais pas quand vous avez parlé de glace, si vous avez parlé de glace de mer ou de terre. Quand c'est de la glace de mer, c'est de la banquise qui fond, ça change pas le niveau moyen de l'eau puisque elle était déjà là, elle change pas la masse d'eau. Par contre, si Cryosat mesure aussi la glace la terre hein, qui est sur l'Antarctique ou sur le Groenland, si cette glace fond, évidemment, ça augmente le niveau de l'eau. Donc on peut en corrélant les mesures que l'on a, donc on sait qu'on a une montée globale du niveau de la mer de 3 mm par an, on va pouvoir dire à partir de la connaissance qu'on a d'évolution de température, ben il y a tant de pourcents qui vient de l'augmentation de température et puis il y a tant de pourcents qui vient des glaces qui fondent et puis dernier point c'est des transferts d'eau éventuels entre pas forcément de glace hein, de l'eau liquide entre la Terre et l'océan. Et ça, on a d'autres moyens de mesure aussi par satellite. Hein. Là, on revient à la géodésie. Si on change, là, c'est plus gros. On parle de masses qui sont bien plus grosses qu'un bateau. Donc aujourd'hui, on a pu montrer, par exemple, que dans les dernières années, le niveau de la mer, on a vu ça sur 2-3 ans, montait moins fort que les 3 mm moyens. Alors on s'est posé la question. Certains ont dit, certains ont pu dire, vous voyez bien, le changement climatique, c'est pas ça, etc. Et en fait, cette eau qu'on ne voyait plus dans l'océan, on l'a retrouvée. En fait, elle était dans le bassin amazonien. C'est-à-dire qu'on était sur un événement La Niña, qui est donc dans les anomalies climatiques. Là, c'est pas le changement climatique, mais dans les anomalies climatiques qu'on connaît bien dans le monde, il y a ces phénomènes de bascule entre de l'eau chaude, qui est normalement à l'ouest du Pacifique, qui passe à l'est ou vice-versa. Et donc, dans ce phénomène-là, on change le régime des pluies. Et donc là, on s'est trouvé pendant plusieurs années avec accumulation d'eau dans le bassin amazonien. Et c'était de l'eau. C'était de la pluie qui avait coulé. Beaucoup plus d'eau dans le bassin amazonien. Ah oui. Et ce changement de masse, parce que là, on parle de changement de masse très important au niveau de la Terre, se voit sur les satellites qui mesurent le champ de gravité de la Terre. Ça, c'est de l'eau qui va finir par rejoindre la mer. Un jour ou l'autre. Oui. D'accord. Voilà, un jour ou l'autre. On peut imaginer rattraper. A contrario, ça c'était la Niña, et à contrario, quand il y a eu un très fort événement El Niño dans l'année 97, là on avait vu effectivement une augmentation du niveau de la mer anormale, qu'il fallait pas interpréter comme du changement climatique, mais comme, voilà. Donc ça c'est pour illustrer la complémentarité des différentes techniques de mesure pour pousser plus loin la compréhension du changement climatique. Alors après ça, il y a un autre effet sur lequel moi je ne pourrais pas beaucoup parler, peut-être que Juliette pourra en parler, qui est donc sur la glace de mer, effectivement, le fait que les observations de Cryosat et d'autres satellites montrent que la taille des glaces de mer sur la zone, en particulier pôle Nord, diminue régulièrement et atteint des records tous les 2 ou 3 ans. On a des records sur l'extension des glaces de mer, ce qui est probablement là aussi le signe d'un réchauffement global de l'eau dans cette zone-là qui fait que la glace diminue. Mais voilà. Vos collègues ont l'air de dire que vous avez très bien parlé et du coup, ils ne souhaitent rien ajouter ici. Non, c'est bon, d'accord. Ok. D'autres interrogations? Monsieur. Oui, toujours sur les glaces. Je voulais savoir où on en était sur la mesure de l'épaisseur des glaces. Parce qu'en fait, il y a souvent des scientifiques ou des aventuriers qui partent pour finalement faire des mesures in situ. Et en fait, en même temps qu'on nous dit qu'il y a aussi des satellites qui font cette mesure d'épaisseur, alors qu'en est-il relativement? Est-ce que peut-être les deux aussi sont complémentaires? Ou est-ce qu'on peut avoir peut-être une mesure plus précise ou plus... avec plus de données par le satellite, non? Donc là, la mission qui répond à ça, c'est celle qu'a mentionné monsieur, c'est Cryosat qui a été faite pour ça. Donc qui est aussi satellite de quelle nationalité? Donc c'est européen. Européen, ok. C'est l'agence spatiale européenne et c'est en fait un instrument qui est dérivé des altimètres. En fait, c'est un altimètre qui a des modes un peu spéciaux pour mieux observer la glace. Mais basiquement, c'est un instrument qui est d'ailleurs construit par le même industriel que celui qui a fait les jasons, etc. qui est Thales Aerospace. Et donc, c'est un cousin de cet instrument. Et donc là, on a un instrument altimètre qui a donc un mode particulier qui permet de bien distinguer la mer, la glace. Et on a l'épaisseur de la glace. Dès qu'il y a de la glace et qu'il y a un peu de mer autour, on a l'épaisseur des deux. Et donc, par différence, on a l'épaisseur de glace. Donc, cet instrument permet de suivre ça. Alors, pour répondre à votre question, comme toujours, un instrument n'a jamais la vérité absolue, qu'il soit spatial ou in situ. Le gros avantage du satellite, c'est qu'il couvre très large. Les expéditions, elles vont aller à un endroit et regarder très précisément ce qui se passe. Mais c'est la question que vous posiez tout à l'heure pour le poisson. C'est pas parce qu'on voit un poisson qu'on voit tous les poissons. C'est pas parce qu'on voit un glaçon qu'on a vu toutes les glaces de l'Arctique. Donc la complémentarité, elle est le fait que il faut aller sur le terrain pour bien comprendre ce qui se passe localement, et après ça, le satellite permet de propager ça globalement. Parce que lorsque vous mesurez avec un radar de la glace, il y a un élément qui est extrêmement compliqué, c'est votre onde radar, jusqu'où elle va pénétrer. Si c'est que de la glace, on peut dire ça va. Mais en général, au-dessus de la glace, vous avez une couche de neige. La neige, elle peut être froide, humide, etc. Et suivant les caractéristiques de la glace, votre onde radar va pénétrer de plusieurs centimètres ou pas à la surface. Donc, pour vous donner un des éléments qui font que la précision de la mesure qu'on peut avoir avec un satellite, elle n'est pas évidente à appréhender si vous n'avez pas un peu de vérité terrain qui vous permet de dire, là les gars, sur tel type de glace, manifestement, votre truc, il mesure un peu long et là, il mesure un peu court. Voilà. Et donc, c'est la combinaison entre ces observations in situ. Ça, c'est vraiment une question très générale sur le spatial. Hein. Je me souviens, au début, quand on a lancé cette satellite, les vieux océanographes, il y en avait des jeunes là-dedans, mais les anciens... Il y avait certains qui disaient ouais ton truc, alors ton truc ça sert à rien parce que tu seras jamais assez précis, et puis en fait ça cachait un peu la peur qu'avec les satellites on les mette au chômage. Bon, et 20 ans après, ce débat n'a plus du tout cours, puisqu'en fait les satellites ont permis de surveiller les océans en continu, mais en fait pour faire ça, il a fallu non seulement des satellites, mais des programmes de mesure à la mer qui sont bien plus grands que ce qu'on avait avant. Donc en fait, les satellites n'ont pas du tout pris la place des observations in situ. Ils ont au contraire dopé les programmes de mesure in situ parce qu'on a besoin de cette complémentarité. Et ça, c'était pas possible avec l'in situ seul, parce que jamais on peut pas mettre... Il y avait des gens qui, je crois, dans les années, je sais plus combien, 70, il y a des gens qui avaient imaginé mettre des points de mesure dans l'océan tous les 500 mètres. Bon, mais c'était évidemment... Sous quelle forme? Je sais pas si c'était des bouées, des trucs comme ça. Enfin bon. C'était un machin où, là, pour les bateaux, c'était un poil complexe de naviguer, il fallait slalomer entre les bouées. Donc, ça devenait du slalom géant, là. Et donc, c'était un rêve d'océanographe, mais c'était impossible. Donc, la couverture globale de satellite l'amène, mais du coup, il a besoin de vérité terrain pour bien caler ses observations et bien les interpréter. Donc, en fait, il y a vraiment complémentarité entre les deux. La vision fine, locale, sur le terrain, et une vision plus globale du satellite. Monsieur. Est-ce qu'il y a des études par rapport à la forme des vagues à la surface de l'océan, et est-ce que les vagues scélérates ont été découvertes avec certitude? Alors Philippe Escudi, je vois vos collègues en train de rire, et depuis tout à l'heure, vous vous demandez si elles ne prendraient pas la parole, et j'ai l'impression qu'elles ont des choses à dire. J'ai raison ou j'ai tort? Oui, oui, oui. Alors, non, à qui je passe la parole? Alors, parce qu'elles sont je passe la parole à Juliette. Parce qu'en fait, la réponse est oui, on sait déjà faire des choses avec nos altimètres, avec les satellites radar classiques. Mais le CNES a dans ses cartons un projet de satellite spécialement dédié à ça. Et donc, il faut être un peu patient. Mais Juliette nous dira combien patient pour savoir qu'est-ce qu'on va mesurer et quand. Votre nom de famille, Juliette. Bonjour, je suis Juliette Lambin. Donc, je travaille au CNES comme responsable des programmes d'océanographie. Donc effectivement, alors c'est l'un des produits dérivés de l'altimétrie que de mesurer la hauteur moyenne des vagues. Personne n'a posé la question comment on arrivait à obtenir une précision de quelques centimètres, sachant que dans l'océan les vagues sont largement supérieures à ça. C'est parce que l'altimètre ne mesure qu'une mesure moyennée sur une tache au sol qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Donc les ondulations liées aux vagues sont totalement filtrées et moyennées par la mesure. Mais on arrive quand même à obtenir cette moyenne qui est la hauteur significative des vagues. En gros, c'est une mesure qui dit si les vagues font 2 mètres, 10 mètres à l'endroit du sondage. Alors cette capacité de mesure, elle est déjà très fortement utilisée par les modèles de météo marine et les agences opérationnelles Météo France ou d'autres pour la météo marine en elle, et elle a donné des idées, donc toujours dans le cadre de dérivés de ces altimètres. d'un instrument qui s'appelle SWIM, qui est un peu plus qu'en projet, puisqu'on est en train de tailler les copeaux de l'instrument aujourd'hui. Qui de devrait. Vous êtes en train de quoi, pardon? De le fabriquer, pardon. De réaliser. De fabriquer, d'accord. Dans un bloc de tailler les copeaux, d'accord. C'est un instrument qui sera embarqué sur une mission en partenariat avec la Chine, qui s'appelle CFOSAT, pour China France Oceanography Satellite, et qui devrait partir fin 2014. Donc c'est un instrument qui, lui, va mesurer non seulement la hauteur des vagues, mais la direction et la période des vagues, l'espacement entre deux crêtes. Et donc ça, on en attend beaucoup de d'applications pour la météorologie. Par exemple, pour la météorologie marine et pour comprendre tout ce qui est échange d'ordre climatique entre l'atmosphère et les océans. D'accord, parce que plus il y a de vagues, plus il y a d'échanges de chaleur entre l'océan et la surface. Et donc cette mission, les Chinois, eux, contribuent notamment avec un instrument qui mesurera, lui, le vent au même endroit. Donc on va avoir simultanément des mesures du vent et des vagues, et voir dans quel cas elles sont corrélées. Ça se passait pas bien avec les Américains? Il a fallu aller chercher des Chinois, Philippe Escudier? C'est pas moi qui réponds à cette question. Je crois que ça se passe très bien, puisque la coopération avec les Américains va être encore boostée par un autre projet nouveau qui va être la nouvelle révolution de l'océanographie. Là, il y a Jason 3 qui va arriver. Donc il y a déjà la suite des Jason, et donc il y a une lignée qui est claire. Aujourd'hui, la limite de nos instruments, c'est que le fameux radar qu'on utilise, la mesure de distance, c'est un radar qui fait un seul point, il fait juste la mesure. C'est comme un pointeur, vous savez, on achète ça dans les bricomarchés, là, le machin qui permet de mesurer la distance dans une pièce. Donc ça donne un point de mesure. On aimerait bien, parce que à la surface de l'océan, j'ai parlé des quelques ordres de grandeur tout à l'heure, vous avez évoqué les tourbillons. Aujourd'hui, le système qu'on a en place est parfaitement adapté pour suivre tous les principal phénomène dans l'océan, qui sont des tourbillons qui font une taille d'une centaine de kilomètres à peu près. Dans l'océan, aujourd'hui, vous prenez le Gulf Stream, faut pas du tout ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le Gulf Stream, c'est pas du tout un courant linéaire comme on peut l'imaginer. En fait, c'est des successions de tourbillons qui font la centaine de kilomètres à peu près comme taille, qui se déplacent. C'est ce qui fait que, alors que le Gulf Stream va couler en moyenne nord-sud, vous pouvez très bien prendre le courant, alors que vous pensez avoir le courant dans le dos, l'avoir dans le nez, parce que vous êtes dans un tourbillon et que vous prenez le tourbillon du mauvais côté. Donc, l'activité dans l'océan, comme dans l'atmosphère, elle est tourbillonnaire. De la même façon que dans l'atmosphère, vous avez des anticyclones, des dépressions. Dans l'océan, vous avez des tourbillons. Bon. Alors, quand vous êtes au large, les tourbillons, ça fait quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Et donc, le système qu'on a aujourd'hui d'altimètre traditionnel, on va dire la lignée Topec-Jason, est parfaitement adapté pour suivre ça. Maintenant, quand vous approchez près des côtes ou dans certaines conditions, vous avez des phénomènes beaucoup plus petits, qui font quelques kilomètres, qu'aujourd'hui on ne sait pas voir avec nos systèmes. Donc là, ça c'est un nouvel épisode de la coopération avec les États-Unis, c'est d'avoir un instrument avec là un champ de vue qui va pas nous donner simplement la hauteur de la mer sous le satellite, mais va nous donner la hauteur de la mer sur une zone qui va faire 100 kilomètres de chaque côté du satellite. Et donc ça, c'est vraiment une mission qui va apporter vraiment une pierre en plus sur l'océanographie. Ça s'appellera SWOT, mais là aussi il faut que... SWOT, S-W-O-T. O-T, ok. Et c'est quand? Quand est-ce que ça décolle? Alors, SWOT est prévu pour être lancé en 2020. Donc là, pour le coup, on est encore en phase d'étude. Maintenant, on a une assez grande... Vous regardez le morceau de bois, vous n'en êtes pas encore à faire des copeaux. On est en train de faire les plans, disons, du satellite. mais il y a une assez grande confiance, d'abord sur le fait que le concept instrument fonctionne, sur la coopération. C'est vrai qu'on reprend un peu les équipes qui depuis Topex, travaillent ensemble. Donc, c'est pas coopérer avec un pays étranger, là c'est la même équipe qui se relance. Voilà, et ça sera vraiment la nouvelle révolution, puisqu'aujourd'hui on est bien outillé, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au large, la pêche au large, etc. Mais sur les zones côtières, en fait, qui sont pourtant plus proches de nous, on pourrait dire que c'est plus simple. Mais en fait, dès que les fonds remontent, tout devient plus complexe. Les choses vont plus vite dans l'océan, c'est des phénomènes plus petits. Donc aujourd'hui, de façon un peu paradoxale, on sait vous dire les courants au large très très loin, mais vous dire exactement la nature des courants qui vont, par exemple, amener des trucs dans le bassin d'Arcachon et faire que les huîtres ne sont pas comestibles, aujourd'hui on le maîtrise beaucoup moins bien que ce qui se passe au large, parce que c'est des phénomènes à toute petite échelle, et donc on n'est pas bien outillé. Le faire par des mesures à la mer, d'un côté c'est plus facile parce qu'on est près de la côte, mais il faudrait vraiment des observateurs partout, et sur les satellites on a un problème de résolution, donc d'où le fait que cette nouvelle génération de satellites va vraiment apporter un truc en plus qui va être de nous permettre de connaître aussi ce qui se passe près des côtes, et ça ça, c'est très important parce que quand même, l'essentiel de l'activité, enfin une très grande partie de l'activité, c'est près des côtes que ça, que c'est intéressant. Tous les problèmes de qualité de l'eau, etc., c'est surtout près des côtes que ça intéresse l'homme. Nouvelle révolution, alors. On va savoir mieux ce qui se passe près des côtes. Bon, je voulais annoncer, on se dirige vers la fin. Peut-être une dernière question avant de se quitter tout à fait. Alors, monsieur. Est-ce qu'on peut détecter des pollutions marines avec les satellites ? Jean-Pierre Cosette. Oui. Alors, je crois que c'est une question qui est totalement d'actualité, là, puisqu'on, je crois qu'il y a le procès des responsables du Prestige, là, qui se tient actuellement en Espagne, là. Absolument. Et que, en effet, là, c'est des images qui ont fait le tour du monde, hein. C'était des images, à l'époque, c'est les images de la pollution du Prestige qui étaient prises par Envisat, au large de l'Espagne. Donc, effectivement, il y a un effet tout bête, en fait, qui se produit quand il y a une pollution hydrocarbure, hein, c'est-à-dire une nappe d'huile ou un produit gras à la surface de la mer. En fait, c'est que la surface de l'eau va se trouver aplatie. Et ça, sur une image radar, ça se voit très, très bien. Ça se voit le jour, la nuit. Oui, ça, il n'y a plus de vagues, ça paraît. C'est la mer d'huile, c'est-à-dire. Oui, c'est ce qu'on appelle la mer d'huile, voilà, finalement. Comme quand on a un peu, quand on fait de la voile et qu'on dit, tiens, là, il y a une risée et là, il n'y a pas un poil de vent parce que la mer est complètement lisse. Et ça, le satellite, il le voit très bien, c'est-à-dire que la mer, ça devient un miroir, et que tout ce qu'on lui envoie dessus en termes d'ondes radar, hop, ça ricoche et ça repart dans la direction opposée du satellite. Donc, le signal qu'on reçoit, c'est rien, c'est noir. Voilà, donc je résume. Hein. Donc, en effet, on va l'utiliser, le satellite radar, je dirais, pour observer un peu l'étendue du désastre quand on a une catastrophe comme le Prestige ou l'Erika. Mais heureusement, c'est quand même assez rare, ça l'est de plus en plus. Alors, à ce propos, j'entendais ce matin sur France Info que le responsable du remorquage du bateau, il était mis en accusation parce qu'il avait entraîné l'épave du Prestige à l'époque dans une zone où justement les courants emmenaient toute cette pollution vers la France. Donc on aurait dû, à l'époque, balancer quelques bouées à la mer pour justement avoir une mesure du courant local et vérifier que ce n'était pas une bonne idée de l'emmener à cet endroit. Donc ça, c'est l'utilisation dans un scénario catastrophe où là, on va avoir une image radar, mais je dirais que un peu aussi ce qui s'est passé dans le globe du Mexique avec Deepwater Horizon de BP, c'est finalement, vous n'avez plus tellement besoin du satellite, tellement il y a d'avions dans le ciel, il y a tout le CNN et tout ça qui tourne. Donc vous pouvez leur demander, ils voient tous aussi bien. Donc, par contre, ce qui est plus intéressant, si vous voulez avoir une vision de pollution, c'est d'utiliser ces satellites, encore une fois, dans un rôle de dissuasion. Donc, de dire, c'est ce que fait l'agence européenne qui a été créée un petit peu après la catastrophe de l'Erika. Ça s'appelle l'EMSA, l'Agence européenne de sécurité maritime. Elle a mis en place un système qui s'appelle Clean Sea Net, donc un réseau pour les eaux propres. Et qui consiste à faire de l'acquisition d'images radar autour des eaux européennes de façon systématique et de le diffuser aux agences qui ont encore une fois un rôle de polissage, de gendarme des mers et éventuellement de faire de l'arraisonnement de navires qui auraient, eux, pollué de manière délibérée. C'est-à-dire que c'est des opérations de nettoyage de cuves qui sont des opérations un petit peu routines quand on n'est pas trop regardant pour un armement, quoi. Et donc ça marche relativement bien, puisqu'on a vu sur 2 ou 3 ans que le nombre de ces opérations, alors on appelle ça des dégazages, mais c'est un raccourci, hein. Donc c'est des rejets d'hydrocarbures à la mer, on va dire, en 2 ou 3 ans d'opération de ce système, le nombre observé de pollution à la mer, et là on est très proche des côtes, hein, parce qu'un navire qui arrive à Rotterdam ou au Havre, il est à quelques kilomètres des côtes françaises, hein. Et ce nombre, il a été divisé par 2 sur 3 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Encore une fois, la combinaison d'une observation assez régulière venant d'un satellite et de moyens au sol qui font que l'information peut se transformer dans les minutes ou dans l'heure qui suit, on va dire, en une opération de contrôle ou de saisie la main dans le sac, on va dire. Donc on a de moins en moins d'épisodes comme ça de dégazage, hein, c'est important à signaler parce qu'on ne le sait pas. Hein, évidemment, les feux de l'actualité, les projecteurs sont dirigés vers les événements quand ça se passe mal, hein, mais on ne se rend pas compte que au fil de l'eau, si je puis dire, les choses se passent de mieux en mieux. Philippe, est-ce que tu dis le dernier mot ? Non, peut-être juste sur ce point-là, mais Jean-Pierre me précisera. Je crois qu'on n'a pas idée que ça s'améliore, mais surtout on n'avait pas idée de la criticité de la situation. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous preniez une photo en Méditerranée ou en mer du Nord, une image radar, donc de 100 ou 200 km, comme le disait Jean-Pierre, vous aviez à peu près à tous les coups au moins une tache de pollution sur l'image. Donc ça veut dire que le problème était très très significatif. Important, oui, c'est ça. Oui, ok. Bon, avant de se quitter tout à fait, peut-être que Michel a aussi un dernier mot à partager avec nous. On va essayer. À la surface des océans, du sud au nord, en total jet lag, Jason recherche la toison d'or. Sans faire de vagues. Joli poème, bravo. Bon, je crois qu'on a vu ce soir à quel point les satellites avaient effectivement apporté une révolution dans la manière dont on était capable de connaître, d'en savoir plus sur les océans et sur la manière de gérer les usages sur les océans et même en profondeur, avec les poissons, par exemple. Et c'est vrai que les satellites, ils sont discrets. Ils ont cette qualité-là. Ils sont discrets, on les voit pas. Donc, on ne se rend pas compte, finalement, de tous ces apports. Et donc, il était important, je crois, ce soir, de dire et de signaler l'importance des satellites dans la gestion des océans. On y est parvenu grâce à vous deux. Merci infiniment, Philippe Escudier et Jean-Pierre Kozak, pour votre présence, vos explications. Et puis, merci infiniment à vous tous. Et puis, si vous voulez bien, on se retrouve donc dans un mois. C'est le mardi 20 novembre, toujours à la même heure, 19h30. Exploration de l'espace de points vers une nouvelle stratégie internationale, point d'interrogation, effectivement, pour aller explorer le système solaire avec des sondes et pour envoyer des rovers, etc. Eh bien, on a besoin que tous les pays se mettent ensemble. Eh bien, il y a peut-être un nouvel accord international qui est en germe pour parvenir à cette fin. Eh bien, soyez nombreux, on vous attend, donc mardi 20 novembre. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.